Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Épisode 26, Mérogis de Port-Légué et la vengeance Raguidel de Raoul de Houdenc. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et avec toi, nous sommes de nouveau réunis pour un mois relativement léger par rapport à nos standards. On va pas regarder de nouveau de grands cycles en prose qui fait des milliers de pages. Cette fois-ci, on va regarder deux œuvres attribuées à un auteur qui est un des continuateurs vraiment de Chrétien de Troyes, qui a repris d'ailleurs beaucoup de choses du maître et de ses propres continuateurs. Oui, c'est ce qui est mentionné dans les éditions, notamment dans l'édition de Mérogis de Port-Légué ou Mérogis, je sais pas, tu prononces Mérogis, moi je dis Mérogis, Méro, c'est comme GIF. L'édition de Michel Schkilnik qui mentionne effectivement que Raoul et Chrétien sont un peu dedans, qui vont assez ensemble, en tout cas au début du XIIIe siècle dans la littérature arthurienne. Et effectivement, ils ont beaucoup en commun. Raoul se met clairement dans la lignée de Chrétien, on va le voir à travers Mérogis comme à travers La Vengeance Raguidel. Et c'est vraiment quelque chose qui ne peut qu'arriver après lui, quoi. Il y a vraiment la matière que Chrétien a introduite et qui est reprise et retravaillée, parfois même très directement dans le cas de La Vengeance Raguidel, qui reprend beaucoup d'éléments de Chrétien et un peu de ses continuateurs aussi, et possiblement aussi un peu d'ailleurs des textes en prose qui circulent. Mais peut-être d'abord, qui était Raoul de Houdenc, parce qu'il il se nomme Raoul de Houdenc dans son Mérogis, assez directement, il dit son nom. Il s'appelle seulement Raoul dans La Vengeance Raguidel, mais effectivement, comme le dit Gilles Roussineau dans l'introduction de son édition de La Vengeance Raguidel, c'est pas un argument suffisant pour dire que c'est pas le même auteur. Chrétien, après tout, ne s'appelle pas Chrétien de Troyes dans tous ses romans. Dans certains, il ne s'écrit que comme Chrétien. Et puis, accessoirement, les deux, effectivement, ont beaucoup en commun. Il y a eu un débat assez long. Alexandre Micha, par exemple, pensait que c'était possible que Raguidel était plutôt un continuateur de Raoul, alors que Mérogis était vraiment l'œuvre de l'auteur. Ce qui semble être certain, ou en tout cas à peu près certain aujourd'hui, c'est que c'est sans doute la même personne qui a écrit les deux, qui a aussi écrit une série d'œuvres profanes, non arthuriennes, mais plutôt allégoriques. Je crois qu'il y a notamment le récit d'un voyage aux enfers. Alors il y a le songe d'enfer qui est vraiment un des premiers. Je crois que c'est le premier exemple dans la littérature, en tout cas en langue romane, de ce genre de voyage aux enfers, où justement qui va inspirer finalement, qui va à la fin du Moyen-Âge, Dante. Donc c'est vraiment la vision de quelqu'un qui se balade aux enfers et qui rencontre des personnifications de péché. Il va rencontrer fornication, et puis le fils de fornication, le vice, ou son cousin, le vol, ou l'avarice. Et il va rencontrer tous ces personnages et il va apprendre. Et on lui attribuait aussi la voix de paradis. Donc là, ça faisait vraiment... Il y avait peut-être un petit peu le côté chauvin français. Genre, regardez, Dante, il a rien inventé. Nous, on avait notre bonhomme. Et donc, on avait le grand auteur français qui avait présagé Dante en faisant le songe d'enfer, puis la voie de paradis, qui est son opposé, où il va justement voir le paradis et puis voir tout ce qui est offert aux gens. Mais probablement que maintenant, on pense que c'est un de ses continuateurs, parce qu'il est généralement dans les manuscrits à la suite du songe d'enfer, mais il y a des signes qui laissent penser qu'il est plus tardif. Il a aussi écrit un roman des ailes. Il s'écrit ELES. C'est bien les ailes d'oiseaux. C'est les ailes d'oiseaux, ça parle des charités, des vertus. Donc les plumes sont les plumes de vertu qui composent les deux ailes, largesse et courtoisie. Donc une aile c'est largesse, une aile c'est courtoisie. Et puis différentes plumes, donc c'est une espèce de version allégorique des vertus. Après, c'est pas très religieux en fait. La principale chose, c'est pas vraiment des textes dévotionnels, quoi. C'est assez profane. Le personnage de Raoul de Houdenc, alors il y a la question de savoir déjà de où se trouve ce Houdenc. Je crois que le consensus, en tout cas celui qui établit Gilles Roussineau dans son édition de La Vengeance Raguidel, c'est que il s'agit de Houdenc-en-Bray, dans le Beauvaisis, donc plutôt dans le nord de la France. Il y a un certain, effectivement, Raoul de Houdenc qui aurait vécu là-bas dans la première moitié, le premier tiers du XIIIe siècle, qui était le neveu d'un certain Pierre le Chantre, qui était un auteur, je crois un chantre assez important de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui aurait pu effectivement être un lien, en tout cas littéraire, avec son neveu, dont les œuvres semblent quand même assez dans la continuité de ce Pierre le Chantre. et qui aurait pu d'ailleurs, Raoul aurait pu ainsi étudier à Paris peut-être, avoir une formation en tout cas théorique, littéraire et philosophique assez solide. Et ce chevalier du Beauvaisis aurait aussi donc écrit des romans arthuriens de façon assez logique, hein, qui circulaient à l'époque, en s'inspirant effectivement assez extensivement de Chrétien, mais aussi en apportant ses propres idées, son propre style, parce qu'il a un style assez distinctif, surtout dans Mérogis, un peu moins dans La Vengeance Raguidel, qui est un peu plus, disons, collection d'œuvres un peu plus disparates, alors que Mérogis est peut-être plus original aussi, parce que ses protagonistes sont pas des figures très courantes de la littératurienne, comme le nom l'indique, hein. Mérogis, c'est pas un chevalier à la hauteur de la célébrité à la hauteur de Gauvin, de Lancelot ou de Perceval, c'est vraiment une figure un peu plus mineure. Mais toujours est-il que cet auteur aurait quand même mis sa marque, disons, d'une certaine façon, sur la littérature arthurienne, en tout cas du premier tiers du XIIIe siècle. Il faut dire qu'il y a quand même peut-être quelques parallèles qu'on a pu observer entre les deux, entre ses œuvres, disons, arthuriennes et ses œuvres non arthuriennes. Typiquement, il y a une mention, je crois, où un des chevaliers parle de sa copine, il dit « si je l'avais, je serais comme en paradis ». Donc il y a vraiment où il reprend, et il a une espèce de rêverie amoureuse, mais où il reprend un peu le même genre de vocable. Alors c'est pas lui qui a écrit la voix de paradis, probablement pas, mais on a le même genre de soucis sur l'enfer ou le paradis qui va ressortir à différents endroits, ou des discussions sur les vertus. Ça colle assez bien avec la légende arthurienne, finalement. Ouais, mais il est quand même plus, effectivement, dans son édition, Michel Skelnik reprend un peu l'idée que Mérogis a beaucoup à voir avec les genres comme du jeu parti, des sortes de discussions philosophico-littéraires sur notamment la vertu des femmes et ce qui est aimable chez une femme. Ben, en l'occurrence, c'est vrai que ce Mérogis a un peu par moment cet aspect-là un peu plus, disons, littéraire, un peu plus raffiné en termes de discussion critique que peut l'avoir l'œuvre de Chrétien habituel, quand même. On va le voir tout de suite, mais Mérogis ouvre avec une question morale sur qu'est-ce qu'on doit aimer chez quelqu'un quand on l'aime, qu'est-ce qui est légitime d'aimer chez quelqu'un, qui a quelque chose de plus peut-être philosophique, je dis philosophique de manière un peu abusive, mais de plus philosophique que ce qu'on trouvait chez Chrétien, où c'était beaucoup plus introspectif et centré sur ce que c'était d'être amoureux. Là, on a quand même une discussion sur est-ce que aimer, c'est aimer la beauté de quelqu'un, ou est-ce que c'est aimer ses vertus. Puis aussi, une chose qui unit les deux, c'est peut-être une espèce de forte ironie. Certains diront que ces textes sont parodiques. Je ne suis pas vraiment d'accord, parce que bon... Je serais plus d'accord pour La Vengeance Raguidel, qui a clairement plus à... qui reprend plus directement et qui est quand même... qui a moins à dire de nouveau, disons. Alors voilà. Que Mérogis est quand même beaucoup plus original, hein, tient un propos précis et qui est très cohérent avec son aventure. La Vengeance Raguidel, c'est plus une collection de scènes. Il y a le côté un peu plus compilation qui... Ouais. Peut faire favoriser un peu effectivement le côté soit reprise, soit parodie, ou en tout cas goût de l'humour. Mais effectivement, les deux ont un certain détachement en commun. Ça, et puis c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans Le Songe d'Enfer, quand il décrit les enfers, il a une espèce d'ironie quand il décrit le sort de tous ces pêcheurs, où il se moque un petit peu d'eux, etc. Mais il faut dire justement, on l'a déjà dit plusieurs fois, La Vengeance Raguidel est très dérivative, donc avant même qu'on en parle, on peut dire qu'elle commence vraiment comme une des sections de la première continuation, la cinquième manche de la première continuation, avec un corps qui arrive sur un navire à la cour d'Arthur, et puis il faut le venger, et on peut le venger qu'avec l'arme qui était plantée dedans. On enchaînera avec une histoire qu'on a déjà vue dans Le Père Lesbos, où il y a une dame qui veut faire décapiter des chevaliers. On enchaîne ensuite, il y a un épisode qui ressemble un peu au chevalier à l'épée, avec la demoiselle Olévrier. Une dame qui abandonne Gauvin en cours de route, et puis après il y a même l'épisode où justement elle dit j'aimerais récupérer mes chiens, et puis mais il y a pas cette fois-ci, on n'a pas la scène où justement les chiens restent avec le chevalier, et puis justement c'est vraiment ça va s'ouvrir sur cette vengeance de Gauvin, puis ensuite on va insérer deux ou trois histoires dedans. Et on revient à la fin sur cette vengeance. Le côté un peu dilatoire, un peu des aventures entre deux. C'est plus mieux fait que ce qu'on pourrait penser. Honnêtement, je trouve que ça marche bien en tant que roman, oui, quand même. Quand c'est introduit, on nous dit oui, c'est quand même trois histoires très disparates, mais il y a une certaine cohérence, il y a des thèmes qui sont assez proches. Maintenant, ça n'a pas l'efficacité narrative d'un Mérogis de Port-Légué, qui est, on va le voir, beaucoup plus intelligemment construit. Et qu'on va d'abord l'aborder en premier, parce que le consensus semble être quand même qu'il a été écrit avant, et que ce soit le seul qui soit attribuable avec absolue certitude, évidemment, à Raoul de Houdin. Mais on va le voir, il a peut-être une certaine maturité en plus. Peut-être quelques mots sur les manuscrits et les éditions. C'est pas des textes qui ont connu une postérité incroyable comme Chrétien, même si Chrétien n'a pas non plus la postérité de certains autres auteurs médiévaux. On parle quand même, pour Raoul de Houdin, de, je crois, 5 manuscrits pour, en tout cas 5 manuscrits qu'on connaît pour Mérogis, Donc un manuscrit, trois manuscrits entiers, celui de Vienne, celui du Vatican et celui de Turin, qui a malheureusement été endommagé dans l'incendie de la bibliothèque de Turin. Et puis deux fragments à Berlin et à Paris, alors des petits fragments, une dizaine de folios pour celui de Berlin, même pas 3-4 pour celui de Paris, qui était d'ailleurs conservé d'abord aux archives départementales du Var, hein, à Draguignan. Donc c'est une acquisition récente de Paris. Il y aurait aussi eu un sixième manuscrit de provenance et d'origine inconnue, mais qui aurait été un moment dans la collection particulière d'un certain Van der Hagen, et puis qui aurait été perdu entre temps. Pour La Vengeance Raguidel, on parle de quatre manuscrits à peu près, dont certains plus fragmentaires que d'autres. Faut dire aussi que c'est vraiment Le Songe d'Enfer, Le Roman des Ailes, qui ont eu quand même un peu plus de postérité, avec chacun à peu près une dizaine de manuscrits. Et il y a un poème intitulé Le Dit de Raoul de Houdenc, qui est une espèce de, ou Le Bourgeois Bourgeon aussi, qui est une espèce de court poème, un genre de dit en fait, une espèce de complainte d'un ménestrel qui se plaint du déclin de la générosité des seigneurs et de la montée des vices, et en particulier de l'avarice chez les bourgeois. Et c'est un thème qu'on retrouve assez régulièrement aussi dans les deux romans arthuriens, la générosité, générosité oui, et l'avarice. Et celui-ci, par contre, est conservé notamment dans deux manuscrits, mais dont l'un à Berne. Donc ça, c'est notre cocorico habituel, la Burger Bibliothèque et ses manuscrits arthuriens. Notre yeux de Lidou. Lidou plutôt que cocorico, effectivement. Mais tout ça pour dire que les éditions donc, sont relativement un peu... De la même façon, ne sont pas non plus extrêmement nombreuses. Mérogis avait été édité deux fois au XIXe siècle. La première fois à Michelin, à H. Michelin, je ne sais pas, Henri Michelin, j'imagine, qu'il a édité en 1869 en se basant sur le manuscrit de Vienne. Vous trouvez l'édition en ligne, c'est pour ça que je vous le dis, en fait, avec des facsimilés, des miniatures du manuscrit de Vienne dedans. Donc ça peut être intéressant si vous vous intéressez à... Si vous voulez voir un peu la version avec l'illustration médiévale, une édition plus récente et un peu plus, disons, scientifique, sans doute celle de Fried Wagner en 1897, qui a été, vous la trouvez peut-être parce qu'elle a été rééditée par Slatkin dans les années 70 à Genève. Oui, réimprimé. Les classiques réimpressions Slatkin. Alors ça ne veut pas dire que la réimpression est de très bonne qualité, c'est souvent le cas. Non, généralement les marges, on n'arrive pas à lire. C'est pareil pour la version, disons, l'analyse complète de Tristan en prose, qui se retrouve aussi chez Slatkin. C'est bien pratique, cela dit, parce que ça vous donne une édition comme qui tient debout et qui soit un peu plus accessible en bibliothèque souvent, mais de toute façon, vous trouvez l'édition de Fried Wagner si vous y intéressez sur l'Internet Archive, donc vous n'aurez pas de problème à la lire si vous le voulez. L'édition que moi j'ai utilisée, c'est celle de. C'est la seule, disons, édition moderne trouvable dans la publication, parce qu'il y a une édition non publiée, une thèse de doctorat Paris 3 de 2001 par Marie-Cécile Lagneau-Champenois, mais celle que j'ai utilisée, donc celle de Michel Schkilnick, c'est celle publiée chez Champion en 2004, donc c'est les classiques du Moyen-Âge, c'est l'édition bilingue avec donc à la fois la traduction en prose et l'édition en vers, avec tout ce qu'on s'attend à trouver chez Champion, c'est cheap and cheerful, comme on dirait. C'est très, très lisible, la traduction, j'ai trouvé, rend bien le vers, même les particularités du vers de Raoul de Houdenc. Et voilà, c'est pratique le fait que ça existe comme ça dans un petit volume. Donc ça sera un peu l'édition de référence, parce qu'on a le texte original et puis la traduction. Mais il existe une traduction, une autre traduction en français que celle que j'ai, c'est celle que tu as lue, toi ? Oui, c'est celle qui est dans cet ouvrage, ce recueil de textes arthuriens qui s'appelle La Légende arthurienne, édité par Daniel Régnier-Boller en 89, en 89. Ils ont juste une traduction de Mérogis de Port-Léguet. Je trouve quand même dommage de ne pas avoir le texte original, mais c'est vrai que ça participe à faire de ce recueil un très bon investissement si vous voulez lire un peu beaucoup de ces petits textes. Pour La Vengeance Raguidel, là, c'est un peu plus... Alors, il y a une édition, je crois, en 1862, des fragments édités. Fried Wagner a aussi édité La Vengeance Raguidel, mais cette fois en 1909. Oui, il a fait une édition complète, en fait, des œuvres de Raoul de Houdenc. Mais même, effectivement, c'est les Semtliche Werke, parce que c'est une édition allemande. Mais en français, bien sûr. De nouveau, une édition critique en doctorat, mais cette fois dans les années 60. puis à Ottawa en 2002. Et finalement, l'édition actuelle de référence, c'est l'édition de Gilles Roussineau chez Drault, dans la série des textes littéraires français, numéro 561, si ça vous intéresse, avec une très bonne introduction, une analyse, et évidemment, le texte original en ancien français, elle est plutôt épaisse, parce qu'il contient effectivement des notes assez extensives, des variantes, parce qu'il y a quand même 2-3 manuscrits, et une grande analyse de la langue aussi. Puis bon, c'est les éditions des TLF, donc elles sont plutôt, c'est du papier plutôt épais. Donc, à nouveau, je vous déconseille l'achat, sauf si vous lisez l'ancien français, mais si vous voulez le trouver en bibliothèque pour lire l'introduction, ça peut être sympathique. Moi, j'ai utilisé la traduction, toi aussi d'ailleurs, traduction qui se base sur cette version-là, en fait, de Sandrine Hérichet-Prado, chez Champion, mais dans ce cas, dans le cadre de la traduction des classiques du Moyen-Âge, donc ces éditions où ils reprennent des textes qu'ils n'ont pas publiés eux, mais qu'ils traduisent pour en fournir une traduction de référence. C'est en prose. Toujours l'inconvénient avec ceci, c'est que moi j'aime bien avoir le texte à côté quand même pour pouvoir comparer à l'ancien français, pour voir s'il y a un effet particulier issu de la traduction ou s'il est vraiment là dans l'ancien français. C'est vrai qu'il y a des moments où on se pose la question. Il y a beaucoup de notes, donc généralement quand il y a une traduction un peu ambiguë, on vous annonce, etc. Mais disons, il y a la moitié des notes de ce livre, c'est un peu frustrant parce qu'ils disent allez voir l'édition de Gilles Roussineau, il parle de ce problème. Puis c'est logique parce que c'est pas elle qui a édité le texte et puis elle va pas prétendre qu'elle a percé à jour des problèmes que Gilles Roussineau a mis en évidence dans son édition. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de lire ça puis de dire ce vers est très intéressant. Allez lire ce que dit Gilles Roussineau sur la question, alors qu'on pourrait peut-être avoir des explications plus développées dans une édition bilingue. Mais bon, c'est les aléas des textes édités chez Drault qui sont du coup pas traduits chez Drault, mais pas toujours, disons. Je crois qu'ils font des traductions parfois, Drault, quand même. Ils font des traductions, ils ont même une nouvelle collection bilingue, justement, qui s'appelle comment ? Texte courant ? Non, c'est texte courant, je crois. Typiquement, ils ont leur florilège du Perse Forest. Roussineau, justement, a publié une édition traduction de passages choisis du Perse Forest. Après avoir fini son édition là-bas. Et donc, ils ont une collection bilingue, mais elle a à peine quelques années, quoi. Donc, ouais, ce serait, sur le long terme, ce serait quand même pas mal qui... J'aime toujours bien avoir les éditions bilingues. Après, effectivement, tu peux pas mettre dans une édition bilingue la quantité d'informations que tu vas mettre dans une édition monolingue, et ça se voit parce que les deux poèmes font la même taille, à peu près, un peu plus long. Mérogis, ça fait quoi ? 5 900 vers, quelque chose comme ça. Alors que La Vengeance... 5 938 vers pour Mérogis... Et La Vengeance Raguidel en fait un peu plus, 6182, mais grosso modo équivalent. Pourtant, l'édition Champion fait la même épaisseur avec sa traduction en prose que celle de Drault, ce qui indique bien quand même que celle de Drault est un peu plus scientifiquement un peu plus pratique. Ça, c'est clair que pour on peut pas échapper à voir ces versions-là. Non, et puis s'il fallait publier des traductions de tous les textes littéraires français, Drault, ils en auraient pour un petit moment. Je crois aussi que l'édition de Mérogis chez Champion n'a pas vocation à être nécessairement l'édition de référence, puisqu'il y a l'édition de Fried Wagner qui a été republiée, qui est une édition allemande. Donc une édition française du 19e siècle, je me méfie, une édition allemande du 19e siècle, je me dis ouais. C'est, je sais pas si c'est légitime de ma part, mais c'est mon côté germanique qui ressort. Mais du coup, en termes de ces deux textes sont assez courts, hein. La traduction de Sandrine Hérichet-Prado, ça fait à peu près 120 pages en format. À peine plus, ouais, 140, 130. Ouais, mais pour le texte même. Ah oui, le texte même est. Pour le texte même, vous avez 120 pages, ça se lit assez rapidement. Heures, hein, et puis le mérogistique, dans l'édition de la Légende arthurienne, c'est des grandes pages, c'est les éditions bouquins, mais ça fait que 80 pages, quoi. Donc ça c'est fluide. Très très vite de ce côté-là. Mais c'est des livres pour le coup que là je vous recommande à lire, parce que d'autant qu'ils sont assez faciles à trouver en bibliothèque ou même à l'achat, parce que c'est des romans arthuriens pour le coup qui amènent quelque chose, surtout Mérogis, un peu moins La Vengeance Raguidel, mais c'est quelque chose qui mérite d'être lu pour soi et qui est assez drôle en plus, il y a des moments très drôles. C'est assez drôle, on va en parler dans une seconde. Je dirais juste un petit mot sur j'ai acheté l'édition Honoré Champion pour l'occasion de La Vengeance Raguidel, la traduction du coup, et je trouve que c'est quand même pas mal. C'est un format livre de poche, mais c'est pas un livre de poche avec un dos collé pourri qui tombe en morceaux. La qualité du livre fait que il va quand même tenir la route assez longtemps. Après, ça c'est, je crois, hors de France, c'est Slatkin qui s'occupe de la diffusion et des impressions, donc si ça se trouve les versions françaises sont pas aussi bien, mais je trouve qu'il était vraiment pas si cher, et j'ai juste pu l'acheter chez Champion et tout. Donc si vous savez pas par où commencer et que vous voulez lire, vous dites j'ai envie de me lancer dans la Légende arthurienne, ça peut être un bon point de départ. Oui, les éditions Champion monolingue, que ce soit les traductions ou les éditions, sont généralement de meilleure qualité, je trouve, que les éditions bilingues, parce qu'elles sont faites pour être un peu plus, disons, soit pour être utilisé par des scientifiques, soit pour être lu dans le grand public, alors que l'édition monolingue, c'est clairement des versions un peu scolaires, quoi, donc qui n'ont peut-être pas la durabilité. Et puis les couvertures pelliculées un peu cheap, c'est pas toujours. J'aime bien la couverture mat en carton un peu épais. L'odeur des livres. Le papier, le chlore. Le papier. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une œuvre qui vaut la peine d'être lue et on va s'y attaquer dans un moment et qui est relativement, pour le coup, facile à lire comparé surtout au Tristan en prose ou bien au lait anonyme qu'on vous recommande dans l'édition de la Pléiade à 70 balles la dernière fois. Tout ça pour vous dire ça. On va peut-être faire une petite pause musicale avant de nous attaquer à l'œuvre de Raoul de Houdenc. On va vous présenter d'abord un petit extrait, la Sinfonia, l'ouverture d'un opéra de Salieri qui s'appelle Prima, d'Antonio Salieri qui s'appelle Prima la musica e poi le parole, donc d'abord la musique et ensuite les paroles, qui est un peu l'équivalent en italien du directeur de théâtre de Mozart. C'est le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. C'était la Sinfonia de l'opéra de Antonio Salieri, Prima la musica e poi le parole, le Concertus Musicus de Vienne, dirigé par Nicolaus Arnoncourt. Et on est de retour dans Rex Condam, Rex Qui Futurus, pour vous parler de l'œuvre arthurienne attribuée avec certitude à Raoul de Houdenc, Mérogis ou Mérogis de Port-Léguez ou Port-Lesquez, si on parle en ancien français. Est-ce que tu sais où c'est Port-Léguez, Laïs? Je ne suis pas, honnêtement, pas très sûr. Et je ne crois pas qu'il nous en parle explicitement, mais c'est pas un nom très très britannique, disons. Ouais, c'est ça. A priori. Donc l'histoire de Mérogis de Port-Léguez, si je dois la résumer en deux secondes, ça parle d'un conflit amoureux où deux chevaliers, Mérogis de Port-Léguez et Gorvin, un autre chevalier, se disputent l'amour d'une dame, Lidoine ou Lidoine, qui, parce qu'il l'aime pour des raisons différentes, comme on va le voir, et c'est un peu la trame globale, mais entre-temps, justement, Lidoine accorde son amour à Mérogis, mais elle dit, ouais, j'ai quand même envie de le voir, de voir faire des aventures pour prouver ta valeur, et je vais donc t'accompagner, donc on a quand même un truc un peu inédit, c'est que la belle dont il veut gagner l'amour l'accompagne en aventure, elle n'est pas très active, c'est pas grand-chose, et c'est pas vraiment non plus Enid qui est traînée par son horrible mari Erec, mais elle l'accompagne un peu, et ils vont être séparés ensuite. L'aventure qu'il va devoir faire pour accomplir pour prouver sa valeur, c'est en fait d'aller libérer Gauvin qui apparemment a disparu. Là, il y a un lien directement avec la continuité de Chrétien de Troyes. C'est que justement à la cour d'Arthur, il y a quelqu'un qui va débarquer, qui va dire « Mais Gauvin n'est pas là, parce qu'il a été chercher l'épée aux étranges ranges. » Vous vous rappelez, dans le Conte du Graal, il a dit qu'il allait accomplir cette quête. Et puis, la quête est résolue de manière que je trouve assez hilarante. Ou pour dire, elle n'est pas résolue, en fait. On vous dit juste, ouais, c'est bon, hors champ, il a accompli la quête. Mais du coup, une fois qu'il a pu sortir Gauvin de ce pétrin, Mérogis va pouvoir retrouver Lidoine, mais avec quand même un affrontement final avec son rival amoureux. En fait, Gauvin, c'est Sasuke, en fait. Ouais. Non, c'est le personnage de rival dans un manga shonen. C'est exactement ça. Peut-être... Ouais, où est-ce que commence le roman Laïs, en fait ? Parce qu'il y a une certaine originalité à la façon dont le roman commence. Alors, la fille du roi de Cavalon, qui était plus beau qu'Absalon, des fois, ils utilisent... C'est le roi d'Escavalon dans l'édition de Shkelnik. Effectivement, la rime Escavalon-Absalon est utilisée dans le conte du Graal, notamment. Donc, c'est vraiment... Bah, déjà, dès le début, on a l'allusion à Chrétien qui semble être assez là. Il faut... littéralement d'ailleurs, c'est Mérogis qui, c'est dans Mérogis. Je dis pas, c'est une note. Ah oui, on retrouve cette rime là. La rime exacte, c'est un roi qui tint mout grand honneur. Ce fut l'Iroès d'Escavalon qui fut plus bios que Absalon, si comme témoigne l'Igreos, donc le Graal, donc le conte du Graal. Littéralement ce que dit Raoul Doudingue. Donc c'est vraiment intertextualité to the max. Hein. Ça s'ouvre sur effectivement parce que la fille du roi d'Escavalon, c'est Lidwen justement, cette héroïne du roman. Et en fait, le roman s'ouvre vraiment sur elle et c'est elle qui va commencer à lancer l'action. En fait, c'est ça que je trouve assez original dans le roman, c'est que on se centre direct sur elle et pas sur Mérogis qui est pourtant le protagoniste titulaire du roman. Non, on commence à décrire sa beauté, ses sourcils harmonieux, son front haut, pur et régulier, c'est la totale, mais aussi, disons, ses vertus. Parce que si on trouvait en elle de la beauté, il y avait bien plus encore d'intelligence et de bonté, car elle était en tout point si courtoise qu'autour d'elle, seule la courtoisie étendait son empire. Donc elle est dans un rôle plus ou moins de... Elle est pratiquement en train de régner, puis on dit justement qu'elle est extrêmement généreuse, plein de gens viennent puiser ses mérites à pleine main, les jeunes filles viennent de Cornouailles et d'Angleterre pour la rejoindre... Elle organise une cour assez large et importante. Elle dirige. On lui dit justement que sa terre lui revint à la mort de son père. Donc elle est dans une situation qui est assez rare dans la légende arthurienne. Généralement, quand une dame hérite de sa terre, il y a immédiatement des gens qui veulent lui voler sa terre. Mais là, on nous dit non, elle prit possession de la terre car son père n'avait pas d'autre héritier. Sa terre lui revint donc, je vous assure, elle la gouverna si bien que jamais personne ne lui déclara la guerre. Elle dirigea ainsi sa terre sans difficulté. Ce qui là est rare, hein, quand on a vu dans les continuations, dans le Lancelot en prose, etc. Généralement, une dame qui a une terre en quenouille, elle se fait immédiatement assaillir par un gros chevalier poilu et moche qui veut lui prendre sa terre, et puis le héros doit venir la sauver. Là, c'est pas vraiment le cas. Mais donc, un jour, elle veut aller aux portes de Lindesor, où la dame de Landemort avait organisé un tournoi. C'est un tournoi dont le prix serait un cygne qui serait perché dans un pin. Et la personne qui gagnerait le tournoi pourrait embrasser la demoiselle de Landemort, qui nous dit qu'il n'était certes ni laide ni noire de peau. Alors, bon, il fait quand même une distinction entre la laideur et la Landemort, mais c'est pas... Mais non, rappelez-vous, le racisme a été inventé en 1610, avant ça n'existe pas. C'est de l'anachronisme médiéval de voir ça comme pas bien. Mais donc, ce tournoi va permettre de faire rencontrer... Mérogis et Gauvin qui vont pouvoir voir cette damoiselle et ils vont commencer à se disputer. Je saute quelque chose, mais ils commencent à se disputer. Les deux se disent amoureux et puis Gauvin dit moi je l'aime pour sa beauté, puis parce que je l'aime pour sa beauté. Puis Mérogis n'est pas d'accord, il dit non, moi je l'aime pour sa vertu, je l'aime pour sa largesse, sa courtoisie et pour justement, on peut dire que Mérogis est courto-sexuel, il est attiré par la courtoisie. Il y a ce côté un peu là, c'est vraiment ce modèle du jeu parti, donc du dialogue un peu rival entre deux protagonistes qui débattent des vertus ou de l'une ou l'autre chose. Et en l'occurrence, c'est vraiment les positions caricaturales de Gauvin qui littéralement dit qu'il n'est attiré que par la beauté, si elle était laide, il s'en ficherait, alors que Mérogis dit qu'elle pourrait aussi bien être elle pourrait être laide comme un pou, c'est ce qui l'intéresse, c'est sa vertu, son discours, sa parole, vraiment sa personnalité, quoi. Évidemment, ça va poser un débat qui est résolu dans le roman, hein, qui va explicitement être résolu d'ailleurs, et on nous dit que non, lol, c'est Mérogis qui a raison et que faut pas trop s'attirer à la faut pas trop se rester au niveau de la beauté parce que c'est pas suffisant. Mais justement, Mérogis dit même si sa peau était tavelée ou noire, bon, de nouveau, hein, si elle était rousse, que dire de plus, je ne l'aimerais pas moins. Si elle était rousse, j'adore la détestation des roues, malheureusement. Si je ne l'aimerais pas moins, je ne me détournerais pas d'elle, Gauvin dit. Gauvin répondit, vous vous moquez de moi, pas du tout. À mon avis, oui, si ce que vous m'avez dit est vrai, vous m'envoyez attristé et déconcerté. Alors ils veulent se battre, mais la dame va débarquer et interrompre leur combat, justement, leur dire non, je veux pas que vous vous battiez là-dessus. Il faut que vous alliez porter. En fait, elle veut que ça soit jugé efficacement, donc il faut aller devant la cour d'Arthur. Devant la cour d'Arthur à Noël. Et puis justement, ils arrivent à la cour d'Arthur, ils demandent à être jugés. Tout le monde, eux, ils veulent toujours se battre. Il y a qu'eux qui proposent une solution. Il dit : Sire, je propose que chacun l'aide tour à tour pendant un mois chacun, à tour de rôle. Et Seigneur que, dit le comte Kinab, cet avis est bien léger, mais vos moqueries ne cesseront-elles jamais ? Et puis donc là c'est la solution stupide. Et après il y a la reine. La reine veut intervenir, Guenièvre veut intervenir, et puis le roi lui dit non, lui dit de se taire. Le roi lui intime le silence, c'est pas très sympa, mais elle expose sa requête. Elle dit : Vous savez bien que tous les jugements d'amour me concernent, vous n'avez aucune compétence en la matière. Et puis que intercède et dit Madame a dit raison. Et puis tout le monde commence à se ranger à son avis. Puis Arthur se dit : Bon, bah effectivement, comme tout le monde est d'accord, la reine va pouvoir rassembler une espèce de sénat des dames, enfin une cour des dames où elles vont devoir juger. Oui, une cour d'amour. C'est un thème récurrent de la légende arthurienne. Plus tard, on verra qu'elle juge aussi les questions, notamment de viol par exemple, donc il y a c'est pas seulement l'amour, vraiment c'est des choses un peu les relations avec les femmes, ça semble être une cour à peu près adaptée pour les relations entre hommes et dames. Ce que j'adore, c'est dans la précision que quand on nous dit qu'ils vont aller avoir ils vont avoir cette cour, la cour d'Arthur, toutes les maisons du lieu sont réservées, donc c'est vraiment genre c'est la conférence, c'est annoncé un an à l'avance, tu dois aller réserver ton hôtel, c'est la Worldcon en fait, c'est genre c'est une convention, t'as les chambres d'hôtel qui sont prises à des prix horribles, les vavasseurs qui font augmenter les prix de 50% parce que les chevaliers cherchent tous un logement, donc il y a ce côté vraiment assez prosaïque en fait dans la description de Raoul. Et c'est l'occasion de préciser aussi, on a régulièrement des interventions, du coup Raoul fait intervenir justement des questions, comme si quelqu'un posait un peu à l'histoire sans fin en fait. Ouais. C'est comme si l'histoire était en train d'être lue à des personnes, puis il y a quelqu'un qui me dit : Mais c'est vrai ça ? Ou bien ouais. C'est vraiment ? Et puis le comte dit : Oui, oui. Mais oui, oui, oui, évidemment. Et c'est écrit par Covin déjà. Non ! Si ? Non ! Du coup, il y a. Les blagues tellement. Les blagues très bons. BD franco-belges. BD franco-belges. Les opinions commencent à s'établir, donc les dames commencent à défendre leurs opinions sur cette question. C'est-à-dire, est-ce que c'est la beauté ou bien les vertus qui devraient l'emporter ? La demoiselle Anis, l'amie du jeune seigneur de Galvois, intervient et dit : Je suis déconcerté par ce litige parce que les deux ne font qu'un. Ces deux personnes veulent chacun avoir Lidoine pour eux, mais la courtoisie n'est rien sans la beauté, la beauté n'est rien sans courtoisie, elles font partie l'une de l'autre. Puis la reine dit : Oh, je sais pas ce qu'on peut faire. Il y a la comtesse de Gloucester qui approuve, qui dit justement celui qu'il aime pour, qui défend la question de la beauté, qui dit : Celui qu'il aime pour sa beauté n'exclut rien de sa personne, au contraire, il veut aussi posséder tout le reste. Ce qui est pas du tout ce que dit Gorvin, mais elle dit : C'est la beauté qui serait plus intéressante. Mais il y a Lorette aux cheveux blonds. Ce que vous dites sur cette affaire est incontestable et absolument vrai, mais on peut facilement trancher et juger quel amour est préférable. On lui demande pourquoi, et elle dit : Car si l'on pouvait argumenter que cet amour est pour la beauté le plus juste, là il y a un passage bizarre, elle dit : Je n'en verrais alors de meilleur que celui porté à l'image sublime du crucifié. Donc autrement dit, si la beauté, c'est-à-dire que c'est l'idée médiévale que la scène de la crucifixion est une scène d'une beauté qui surpasse tout, puis qui dit basiquement : Bah si vous aimez la beauté, le seul amour légitime ce serait l'amour de la beauté du crucifix, qui est la beauté ultime. Bon, c'est un passage qui est un peu bizarre, qui a posé des questions d'interprétation, donc est-ce que c'est vraiment ce qu'elle essaie de dire ? Elle dit : La beauté, qu'est-ce que c'est ? C'est une parole, un mot qui arrive par hasard. Beauté se pousse dans sa course, légère. Beauté va là, elle aurait été mieux ici. Beauté frappe les gens par le regard. Qui n'est donc en même temps que beauté ? L'orgueil, bien sûr, l'orgueil. C'est un gage de bassesse, je l'affirme. En revanche, amour naît de courtoisie. Il est son fils, ma foi, j'en suis sûr. Dans l'amour, il y a un gage certain de courtoisie. Donc, elle défend, si amour aime ce qu'il doit, parce que l'amour vient de la courtoisie, c'est Mérogis, le légitime amoureux, car il aime Lidoine pour sa courtoisie. Sordamor, qui du coup fait une petite apparition, qui est aussi un personnage de Chrétien de Troyes. Mais c'est la sœur de Gauvin, en fait. C'est la sœur de Gauvin, issue d'un réservoir inépuisable de sœurs de Gauvin. Mais c'est celle qu'on a voyée dans Cligès, en fait. C'est la mère de Cligès. C'est la femme, c'est celle qui épouse l'empereur de Constantinople dans, mm-hmm. dans Cligès. Il y a beaucoup, beaucoup d'allusions, surtout à. Alors, on voit des allusions au Conte du Graal, on l'a dit. Il y a des allusions à Yvain, à Lancelot, et je trouve beaucoup. On se repose beaucoup sur Cligès et sur Erec, en fait. Mm-hmm. Les relations entre hommes-femmes sont très calquées sur celles de Cligès et d'Erec, j'ai l'impression. Il mentionne une Phénice, l'épouse d'Alice, ce qui fait peut-être un parallèle avec la Phénice, justement, du Non, c'est la Fenice, c'est le théâtre de Venise. Là, et puis il mentionne aussi que dans le tournoi s'illustre un certain Tolas, alors peut-être Tolas de Rougemont qu'on avait vu dans Joffrey. Moi, chez moi, mon édition parle de Colas, mais sachant que T et C, c'est les lettres les plus ressemblantes possibles au Moyen. Je sais pas vous, mais moi, quand je lis un manuscrit médiéval, le truc qui me pose toujours problème, c'est T ou C, puis parfois ça peut être équivalent, parce que parfois c'est à peu près le même sens, notamment dans les Kionais, Tionais, c'est plus ou moins équivalent. Par contre, là, Colas ou Tolas, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pense qu'effectivement, Tolas, ça me semble être un peu plus correct. Tolas de la déserte, hein. Mais du coup, ce jugement est assez houleux, mais finalement, tout le monde finit par s'aligner et prendre le parti de Mérogis à l'unanimité. À ce jugement, la reine n'ajouta rien, on appela alors le roi et le verdict fut rendu public devant toute la cour. Entendant qu'elle le déboutait de sa demande, Gorvin Cadrutz, parce que j'ai pas dit mais il s'appelle Cadrutz, fut atterré. Je n'accepte pas ce verdict. Je préfère avoir un combat froid immédiat. Je suis pas venu ici pour être jugé, mais pour me battre. C'est vraiment le daron chez le juge des familles, en fait. Ouais, je suis pas venu pour être jugé, mais pour me. Je suis pas venu pour souffrir. Okay. Non, c'est vraiment ça. Il voulait vraiment le combat par les armes pour prouver que c'est lui qui avait le droit d'avoir l'Idouane, en fait. Il veut se battre, puis alors Mérogis saute sur ses pieds et dit « Oui, bien sûr, vous aurez le combat. » Et puis la reine va vers le chevalier et lui dit « C'est inutile, n'y songez pas, ce combat n'aura jamais lieu à la cour. »« Madame, pourquoi ?» dit Mérogis. « Dieu sait s'il m'en coûte, je vous assure, j'aurais préféré me battre et conquérir l'amour de l'Idouane par le glaive plutôt que de le recevoir sans effort. » Et puis elle dit « Bah, pourquoi ?»« Bah, la gloire m'en serait revenue. » Puis il dit, je sais pas lequel de vous deux aurait dû à se féliciter de ça, mais si vous voulez un combat, quittez la cour. Puis il dit, mais comment cela? Cette cour est-elle sous le coup d'un enchantement pour qu'on n'ait pas le droit de se battre? Puis il dit, non, c'est juste qu'on va pas. on a rendu un jugement, donc on va pas vous laisser vous battre maintenant qu'on a laissé le jugement. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté assez inhabituel, en fait, le fait d'avoir un juge. D'habitude, on va parler des récits arthuriens, on aurait. S'il y avait un jugement, il y aurait peut-être une contestation, mais là, c'est vraiment clair. Non, il y a eu un jugement qui a été rendu. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Effectivement, Gorvin va pas avoir vraiment beaucoup de chance de prouver que c'est à lui que revienne l'Idouane, d'autant que l'Idouane n'est pas amoureuse de lui, en fait. C'est assez clair qu'elle est amoureuse de Mérogis. Et puis justement, les chevaliers disent que ce serait normal que l'Idouane scelle cet amour d'un baiser. Et Mérogis est hyper joyeux, il dit « Score !» Mais l'Idouane n'était pas mécontente non plus. Mais elle dit justement, je lui accorde cet amour comme vous l'avez décidé, finalement on va pas faire de combat, mais il n'en aura la jouissance que dans un an, jour pour jour, car je ne goûterai aucun plaisir avec lui avant ce terme. Et elle dit, je veux le fréquenter, il faut qu'il me montre en titre engagé le baiser il faut qu'il s'illustre comme chevalier d'ici là. Et c'est là en fait qu'intervient le problème, en fait elle dit ça un peu impétueusement, puis il l'embrasse. Et c'est là qu'on a une des premières interventions vraiment des auditeurs, entre guillemets, parce qu'elle lui tendit son charmant visage et sa douce bouche souriante. Mérogis s'avança, Mérogis qui se mit avant, la prise par son beau menton, et sachiez ce que nos en menton, qu'il la baise moute doucement, donc il l'embrasse bien doucement. Et la question intervient, dont de la bouche seulement avec les lèvres? Et du coup la réponse, non pas, certes, ce ne fut mon. Ah non, évidemment non. C'est quers qui mout la désira et savait ce qu'il y importa. Le cœur suivi qui était fort et pris d'elle, et savez-vous ce qu'il en retira? Ce baiser lui donna toutes les qualités requises chez un bon chevalier. En fait, il absorbe la chevalerie par osmose, en fait, à travers un baiser. Et du coup, il nous dit le baiser a des vertus médicinales. Et du coup, la question, des vertus médicinales? Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il continue sur le baiser, et là on dit, mais il y a des choses à retirer, il n'a pas été bon et apprécié. Si, mais il fit deux victimes. Vraiment? Comment? Parce que du coup, l'Idouane, en étant embrassée, l'Idouane tombe follement amoureuse, et la métaphore utilisée c'est Messesquod l'angula, aussi comme les poissons se fait lame. Donc le cœur de l'Idouane avale l'amour comme le poisson avale l'hameçon. Et quand le cœur vous dit je l'aime, il n'y a plus rien à faire, il faut aimer. Et du coup, l'Idouane dit un peu d'une certaine façon, merde, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je lui ai promis seulement dans un an? C'est terrible, il faut absolument que je sois avec lui. Et il y a toujours ce discours, avec notamment la métaphore du filet, des yeux des amoureux comme le filet qui pêche l'amour. C'est vraiment tout un dialogue. Et il y a un dialogue interne où l'Idouane s'émerveille et se dit, je l'aime, non de face. Si face, je cuite. Et je de quoi? C'est je l'amasse. Donc je l'aime, non, mais si je crois, comment? Mais si je l'aimais, je lui aurais pas imposé un délai. Non, vraiment, je l'aime pas. Mais elle recule d'un pas, elle avance de dos. Donc c'est un élément récurrent chez Raoul de Houdin, c'est ces dialogues intérieurs en fait. Ces petits va-et-vient et puis des personnages qui demandent mais pourquoi, mais comment, mais qui. Mais c'est ce qu'on a déjà vu, on le trouve déjà chez Chrétien, mais c'est vraiment développé à un certain niveau chez Raoul de Houdin qui est vraiment très, très intéressant, qui est très rigolo, je trouve, parce qu'il donne vraiment une fenêtre sur l'intériorité des personnages, ce qui parfois dans la littérature actuelle n'est pas vraiment là en fait. Parfois on a juste l'impression d'avoir des brutes qui réagissent quart de tour. Là c'est vraiment l'intériorité de Lidoine et de Merougi, c'est très bien exploré, je trouve. Mais donc ça, c'est la fin un peu du jugement d'amour de Mérogis, mais juste, il va devoir se prouver pendant un an. Mais justement, une aventure va débarquer à ce moment-là. Le roi Arthur dit « Bon, on va se laver les mains, on va manger ». Le roi est servi, j'aime beaucoup la traduction de la Jonathan, dit « Le roi fut servi au dîner comme un roi ». Je ne sais pas s'ils si, ne songeaient pas encore à se lever de table. Donc là, ils ont bien mangé, ils n'ont pas attendu qu'une aventure arrive avant le repas, ce qui est d'ailleurs assez rare parce que ça arrive généralement. Et puis, il y a un nain qui arrive. Et puis, comment était-il? Il était Camus. Camus, certes, autant qu'il était laid, car avant lui, jamais Dieu n'avait fait de créature plus camuse. Donc, toujours un peu ce va-et-vient du narrateur. Et puis, le nain s'adresse à la cour et dit « Roi, accorde-moi ton attention. Je suis fort étonné que tu sois joyeux, parce que, à ces tours, personne n'a de raison de rigoler. Hein, on n'est pas, c'est pas l'heure à la rigolade. » Et il dit « Comment ça? Mais regarde autour de toi. Gauvin, ton neveu, est-il là? Ah, mais non, mais c'est vrai, Gauvin, il n'est pas là. Il serait bien vain de redouter ta cour, n'est-ce pas? Car elle est privée du meilleur chevalier du monde. » Et il dit justement que Gauvin est parti en quête de l'épée à l'étrange baudrier, donc l'épée aux étranges ranges, ce glaive merveilleux, et je m'étonne que tu ne t'inquiètes pas plus, car il t'a dit, je le tiens de lui-même, qu'il serait ici aujourd'hui s'il était sain et sauf. Puis alors, ah, c'est vrai, Arthur commence à se dire, c'est vrai, Gauvin aurait dû être là. Et puis donc les gens commencent à paniquer un peu, et puis ils demandent, mais est-ce qu'il est sain et sauf? Et puis non, c'est pas moi qui le saurais. Il n'y a qu'une solution, s'il se trouvait à la cour des chevaliers qui étaient assez hardis pour ça, ou qui avaient besoin d'aventure ou quelque chose, peut-être qu'il pourrait aller le chercher. Et il pourrait avoir de ses nouvelles. Et puis il demande où. Et là, il répond à l'esplumoir Merlin. À l'esplumoir de Merlin. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre sur qu'est-ce que c'est que cet esplumoir de Merlin. Il dit, si personne n'y va, c'est fini, vous n'entendrez jamais parler de Gauvin. Alors, esplumoir, espluméor, empluméor, c'est perdu en hypothèse. Gaston Paris tient au sens propre du terme, au ménage qui est la mue, ou bien une cage où on met les oiseaux pendant la mue quand ils perdent leurs plumes. Alors c'est peut-être lié, si vous allez écouter notre épisode sur le Murzin gallois, à la figure de l'homme sauvage du Welt gallois ou irlandais, où effectivement, soit il est couvert de poils, parfois il est couvert de plumes. Alors peut-être que Merlin, qui est lié à ces personnages, à travers le personnage de Lyloken, qui est lui-même un de ces personnages dans la littérature galloise, peut-être que c'est une trace de Merlin couvert de plumes, qui doit perdre ses plumes à un moment. Une autre hypothèse, c'est que dans la Vita Merlini de Geoffrey de Monmouth, donc c'est de nouveau notre épisode sur Merlin, on nous parle d'une maison que sa sœur fait installer, où il a une espèce d'observatoire où il peut regarder les astres pour faire des prophéties, et puis il a aussi des scribes. Alors certains ont pensé que l'esplumoir, en fait, ce serait la maison où les gens ont des plumes et sont en train d'écrire, donc la maison des scribes. Ça me semble chercher un peu loin, parce que quand ils arrivent à l'esplumoir, c'est clairement pas un scriptorium, justement. Non, mais il y a des dames... Après, on a différentes hypothèses sur qu'est-ce que ça devait être à l'origine, ou qu'est-ce qui pouvait être. Mais toujours est-il que c'est là-bas qu'on aura des nouvelles de Gauvin. C'était Paul Zumthor, notamment dans un ouvrage qui était imprimé justement à Lausanne en 43, Merlin le prophète, qui pensait que ça pouvait être la maison des scribes. Mais donc... Faut préciser peut-être que Merlin n'apparaît pas du tout dans le roman. Hein. On mentionne l'esplumoir Merlin, mais on n'a pas de... Non, quand il va aller là-bas, on n'a pas de trace de lui. Alors c'est peut-être aussi une trace justement de son dernier séjour, donc ce serait l'endroit où il serait enfermé, mais sans être visible. Bon, la présence de dames un peu mystérieuses, ça pourrait expliquer effectivement... Ça pourrait être assez logique dans ce cadre-là. Donc, Mérogis croise le nain qui avait annoncé la nouvelle que Gauvin était perdu, mais il a perdu sa monture, et on lui demande pourquoi. Il dit qu'une vieille dame lui a pris son cheval. Sais-tu pourquoi? Je sais pas, elle m'a foncé dessus, elle m'a attaqué, mais tu dois m'aider parce que tu vas te... Puis il lui dit, tu vas être couvert de honte. Puis il dit, bon, d'accord, je sais pas ce que ça veut dire, mais il va voir la dame essaie de le fouetter, il attrape le fouet au passage, et puis la dame dit, mais vous allez quand même pas me frapper? Puis il dit non. Mais vous allez quand même rendre sa monture à ce nain quand même. Et puis la dame dit non, mais par contre, peut-être que je peux le faire pour vous. Vous ne l'aurez pas à moins de l'arracher de force. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour moi. Vous voyez cette tente là-bas, avec il y a un frêne à côté où est suspendu un écu. Allez abattre cet écu pour moi, et puis je vous le rendrai. Puis il dit bon, d'accord. Il est prêt à rendre service de bon cœur. Il va le faire, il abat l'écu, mais alors qu'il s'apprête à revenir, il entend des lamentations qui éclatent depuis la tente, si déchirantes qu'il n'entendit jamais de tels sanglots. Et tandis qu'il entend ses plaintes, il voit de l'autre côté de l'essart la vieille rendre le cheval au nain, puis se casser. Et il va son cheval là-bas, et le nain dit, il va vers le nain, il dit, dis-moi comment je vais me couvrir de gloire et de honte. Et le nain dit, je ne suis pas assigné à comparaître aujourd'hui devant une cour pour répondre à cette question. Genre littéralement, suis-je en état d'arrestation? Et puis, l'explication va arriver à point nommé. Et il voit que la tente est entièrement en train de... Les dames dans la tente sont en train de pleurer, de hurler, elles sont vraiment déchirées, il ne sait pas pourquoi. Lidoine commence à pleurer aussi. Et il demande pourquoi, puis il dit, mais ces dames qui pleurent, c'est tellement... J'ai de la pitié pour la douleur de ces femmes, elles se lamentent pour cet écu malheureusement abattu. Puis bien, on juste demande, mais est-ce un tel crime? Parce qu'ils pensaient pas mal agir, c'est sûrement pas la raison de leurs pleurs, parce que c'est facile à ranger. Il ramasse l'écu, puis il le remet en place. Et puis il va... La jeune fille qui est montée sur le mulet à côté lui dit, voilà l'écu en meilleure place que par terre, on ne saurait vous demander rien de plus, vous vous êtes fort bien acquitté de cette tâche. Puis Mérogis comprend qu'elle se moque de lui. Eh ben vraiment, eh bien, maintenant je suis plus sûr de rien parce que je pensais bien faire. Eh ben, vous avez parfaitement réussi. Et puis, elle fouette son mulet, puis elle s'en va, elle avait une lance au poing, puis elle se casse. Dans la tente, les dames continuent à pleurer, et elles disent à Mérogis, va-t'en, on ne revient plus jamais, etc. Puis lui, il comprend, il dit, quelle pénible histoire, ce chagrin est ma faute, et je comprends pas pourquoi. Expliquez-moi la raison de votre douleur, dites-moi la gravité du péril, je vais essayer de le réparer. Elle dit, c'est sûr, mais vous pouvez rien faire, l'heure viendra où vous pleurerez, où la dame pleurera vraiment, mais ce sera sur votre sort, parce que notre malheur la concernera plus directement. Puis il comprend toujours pas. Et en fait, pour expliquer un peu, il commence à s'énerver, du coup il prend l'écu qui est accroché à l'arbre, et il le rejette par terre, et il dit, je vais dormir ici, et si quelqu'un vient me casser la gueule ici, j'y verrai aucun inconvénient, on s'en... Voilà, il assume. Mais finalement, personne va venir cette nuit-là. Et on va lui expliquer, on va pas encore lui expliquer ce qui se passe, mais finalement, on lui dit, vous saurez bien assez tôt. En fait, c'est la tante de l'outre-douté. L'outre-douté, donc. Ça se prononce l'outre-douté. Non, c'est quoi, c'est l'outre-douté, ça se prononce l'outre-douté. L'outre-douté. Et ça veut dire l'ultra-redouté, en fait. L'ultra-redouté. C'est pas un nom, enfin, c'est très pratchettien, finalement, comme nom, effectivement. Mais donc, c'est un chevalier qui s'est basiquement voué aux forces du mal. Il a toujours promis d'être du côté du mal et du côté de l'injustice. Donc, du coup, il s'est distingué les deux, mais simplement, il va choisir délibérément le côté qui n'est pas légitime, en fait. Ouais. C'est ce que dit le texte. Il va, en fait... c'est-à-dire qu'il a... Son écu, basiquement, il a toute son histoire habituelle avec une dame plus ou moins féerique qui est, auprès de laquelle il est un peu consigné, jusqu'à ce que quelqu'un abatte son écu, puis à ce moment-là, il se déchaîne sur le monde, et puis il commence à tuer tout le monde, à massacrer des gens, les mutiler, et c'est ce qui va se passer. Les gens connaîtront pas, mais Mérogis va pas connaître directement ce qui va se passer. Il arrive auprès d'un guet où il trouve quelqu'un qui va pouvoir abattre et qui va lui dire « Vous êtes allé à la tente, vous n'avez pas touché à l'écu. » Il pense « Si, si, je l'ai abattu, mais vous avez commis une lourde erreur, mais vous ne le savez pas, parce que le diable qui était auparavant en prison s'est échappé. » Donc, par cette action, il a libéré l'outre-douté qui va justement vaincre 30 chevaliers. Le type qu'il a vaincu auprès du guet puis qui lui explique ça, il lui dit bah, « Va à la tente pour rassurer les dames et leur dire que je vais m'occuper de ça. » Puis il dit « Mais pas question. Mais si. Mais non, je n'irai pas. C'est un ordre. Je n'irai pour rien au monde. Tu vas y aller, je te jure, ou ta dernière est arrivée. Que préfères-tu, mourir ou aller porter mon message ?» Puis il dit « Bon, bah j'y vais. Mais si l'outre-douté me trouve, je serai dans de beaux draps. » Le chevalier en question s'appelle Lachis de Lampagresse. Moi, j'ai Lachis de Lampadès chez moi. Lampadès. Et il y va. Et puis pendant ce temps, Mérogis va du côté de l'espionneur de Merlin. Et il dit « Bon, tu vas leur annoncer, puis tu me retrouves. » Puis il dit « Mais comment je vais vous retrouver? Parce que je ne saurais pas où vous irez. » Et puis Mérogis lui dit « Je tournerai toujours à droite. » Pendant les prochains jours, en tout cas, Jusqu'à mardi prochain, je crois, avant mardi, je ne tourne jamais à gauche en me suivant par ici, et tu pourras me retrouver. J'ai trouvé que c'était un truc assez marrant, justement, ce côté où il dit « Comment me retrouveras-tu ? » Puis il dit « Bah, je vais toujours tourner à droite, du coup, tu pourras toujours me trouver. » Alors, c'est un peu stupide, parce que tu vas vite tourner en rond, mais je trouvais assez intéressant cette idée de comment le retrouver. L'outre-douté arrive à la tente, Lachis arrive aussi, et puis justement, l'outre-douté est furieux. Et il lui dit « Lachis, c'est toi qui as abattu l'écu ?» Puis il dit « Non, pas du tout, je suis en train de porter un message. » Et il le combat, il arrive à le battre, et il dit « si je gagne, tu seras mutilé. » Et il réussit à le vaincre. Et puis il lui dit de quel côté est-ce que Mérogis est parti, puis il dit seigneur à droite. Alors il attrape Lachis par le côté gauche et il lui fait sauter l'œil, il l'éborgne en fait, il lui perce l'œil gauche. Et il dit Lachis, je ne te ferai aucun mal avant d'avoir vaincu Mérogis, et après je te tuerai. Et puis du coup il va avec Lachis pour essayer de le retrouver. Et puis moi je mourrai heureux après avoir vu combattre tous deux, la colère qui m'emplit le cœur ne s'apaisera pas avant que ne sonne l'heure de ma vengeance. Et il dit tant que je ne l'aurai pas massacré Mérogis, tu n'as rien à craindre de moi. Et puis ils partent les deux. Donc ce chevalier assez terrible, ce qui est assez rare en fait, le fait de mutiler volontairement quelqu'un Après un combat, généralement, soit on le tue, soit on le fait prisonnier, soit on accepte qu'il se rende. Mais le fait de le punir corporellement en lui mutilant un œil, c'est quelque chose de pas si courant que ça. En tout cas, les deux partent ensemble pour aller à la recherche de Merogis. Et pendant ce temps, lui-même, alors il est toujours accompagné de Lidwen. Hein, elle n'est pas souvent mentionnée dans le texte. Et par moments, je me demandais, mais est-ce qu'ils l'ont oublié? Ou est-ce qu'elle est restée au pavillon des dames? Mais non, elle le suit bien, elle revient après. Mais vous allez voir, ça devient en fait, ça a un sens après, parce que je pense que c'est fait exprès le fait qu'on ne la mentionne pas toujours. Parfois on dit juste Merogis part, mais on doit comprendre que Lidwen est avec lui. Et en fait, à un moment là, pendant que ces aventures se déroulent, il retrouve le nain Camus en fait, qui les a envoyés à la recherche de Gauvin, qui les envoie à la cour du roi Amangon parce qu'il lui demande d'être son champion contre un chevalier Aragon. Alors je vais vous résumer l'histoire assez brièvement parce que c'est pas la plus intéressante des moments de Merogis. C'est celui aussi qui va un peu dans une direction puis qui revient pas après. En fait, ce roi, chaque année il y a un tournoi, puis le plus vaillant des chevaliers du tournoi peut marier toutes les dames de la cour en fait. Alors il peut pas les épouser lui-même, mais il peut les donner en mariage. Voilà. Il décide de leur mariage. Il doit décider bien. Il doit décider légitimement. Le problème c'est que le chevalier qui était à la cour l'année dernière lui avait refusé la main d'une autre naine, justement d'une femme comme lui, quoi, qui aurait été la compagne idéale pour lui. Et du coup, ben Merogis va gagner le tournoi et on va lui demander d'être de décider en fait qui doit marier les filles. Mais lui, il a pas le temps de se consacrer à ça, donc il donne ce choix au roi à condition que le nain puisse avoir la main de son ami. Et il promet l'année suivante de revenir pour remplir son devoir d'entremetteur en fait, si on veut, dans la cette cour-là. Et ils reprennent leur quête avec Lidwen et ils retombent sur Lachis que l'Outre-Douté a laissé partir entre-temps, justement. Oui, ils arrivent au jour de mardi où justement il dit « Je savais qu'il tournerait droit jusqu'à mardi, maintenant je sais pas. » Donc l'Outre-Douté dit « Je pourrais te tuer, mais je vais pas le faire. Séparons-nous et puis si tu vois Merogis, dis-lui que je suis à sa poursuite et que je vais le tuer. » Puis justement, Merogis voit que Lachis a un œil en moins. Et puis il lui dit, mais qui vous a fait ça? Puis il dit, c'est vous, en m'envoyant à la tour, à la tente de l'Outre-Douté. Vous saviez très bien que ça m'arriverait. Puis la honte et la tristesse envahirent Merogis et il s'en veut, mais il lui dit, je te donnerai la main avec laquelle je lui couperai la main avec laquelle il t'a crevé l'œil et je te la donnerai. C'est pas un œil pour œil, là, c'est main pour œil. Bref, c'est la main qui a péché qui aura le. C'est la main qui a péché. Voilà. Ils arrivent en tout cas à l'esplumoire de Merlin et il s'agit d'une espèce de château d'allure redoutable qui est bâti sur une roche. Il est perdu dans la montagne, il est taillé dans un seul bloc et il est toujours verdoyant. Il y a du lierre qui recouvre complètement les murs du château. Et il aperçoit au moins 12 demoiselles sur une espèce de falaise du coup. Donc c'est une espèce de falaise en hauteur qui est un peu inaccessible. Elles sont assises dans un petit pré à l'ombre d'un laurier. Et elle discutait un peu de tout et de rien. Merogis essayait de grimper, mais il voit aucun moyen d'y accéder. Pas de porte, pas de fenêtre, pas d'escalier. Et justement, il fait trois fois le tour, et puis il crie aux demoiselles, « Comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'à vous ?» Et bien elle dit, « Cher Seigneur, vous n'avez aucun moyen de monter ici, mais dites-nous ce que vous voulez. »« Mais j'aimerais discuter un peu avec vous. »« Dites-nous ce que vous voulez. » Et il met encore, « Ça n'est jamais arrivé de crier d'aussi loin en public ce que je suis venu chercher. Est-ce que je pourrais monter ? Pourquoi ?» Donc il y a une scène un peu justement, un échange où les dames ont l'air un peu ennuyeux que Merogis vienne leur gueuler des trucs, puis elles disent « Mais dites-nous ce que vous voulez. » Puis lui, il est un peu embarrassé de devoir crier ce qu'il veut comme ça. « Vous devez discuter d'où vous êtes, car personne ne monte ici. » Bon, il comprend qu'il ne peut pas accéder à la falaise de l'Esplumoir Merlin. Et il dit « Parlez-moi de Gauvin, le neveu du roi. Est-ce que vous auriez de ses nouvelles ?»« Dis donc, quel importun tu fais, chevalier. Va-t'en, et si tu veux bien te fier à moi, prends le chemin qui monte à droite. Au-delà de ce bois, au pied de la montagne, tu trouveras bientôt une chapelle et une croix. Il n'y en eut jamais de plus belle. Une fois arrivé à la croix, tu trouveras conseil auprès d'elle. » Puis il dit, vous m'avez rien appris sur ce que je vous... Elle lui dit littéralement ce qu'il doit faire pour la suite de sa quête. Elle lui dit, dites-moi si vous connaissez le chemin le plus court pour arriver à l'Esplumoir de Merlin. C'est là, je pense, que j'aurai des nouvelles de Gauvin. Puis la demoiselle lui répond, mais regarde-moi, c'est ici l'Esplumoir de Merlin. Je suis sur l'Esplumoir de Merlin. Tu ne pourras que perdre ton temps, car nous ne te dirons rien de plus sur Gauvin, pas un mot, ni pour t'approuver, ni te contredire. Comment, demoiselle? Le nain m'a dit, par Saint-Denis, si je pouvais monter là-haut, j'en apprendrais davantage. Et la demoiselle lui répond, c'est un coup de bol qu'on ait fait ce château aussi haut, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir monter, du coup. J'adore cette demoiselle-là. Parce qu'elle... Voilà, que vous hurlez ici jusqu'à me fatiguer. Puis alors, elle retourne s'asseoir auprès de ses amis. Il y a peut-être un parallèle avec l'île où il y avait les... Moi, ça m'a un peu fait penser, ces demoiselles qui sont assises et qui parlent. Ça m'a fait penser aux demoiselles qui sont d'après Geoffrey dans la Vita Merlini, je crois, la sœur d'Arthur et les autres dames qui sont justement sur cette espèce d'île d'Avalon, et puis qui apparemment sont savantes en tout et discutent de tout. Les dames, c'est pas une île, mais là du coup c'est une espèce de falaise un peu séparée. Mais du coup, on lui a effectivement dit comment conduire sa quête. Il y a un chemin qui part par la droite et qui va à une croix. Mais du coup, scène quand même assez comique où il demande où est l'esplumard Merlin. Puis en fait, c'est là l'esplumard de Merlin. Puis il est en train de gueuler à la falaise parce qu'il peut pas grimper. Et il va du coup à cette chapelle. Mérogis est un peu con, il faut dire, parce que il est bouillon de colère. Il va jusqu'à la chapelle. Il voit aucun être vivant aux alentours de la croix de marbre. Il va dans la chapelle, mais il voit personne. Il y a pas personne qui peut l'informer. Et maintenant, j'en suis sûr, elle m'a pris pour un idiot en me faisant venir ici. Adieu, que vais-je devenir? Je vois bien la croix, mais qui me renseignera? Je ne vois pas. Et il s'en allait pour se lamenter, mais son amie, Lidoine, qui est avec lui, c'est un peu le moment où elle est un peu plus active, elle va devant la croix, elle la regarde, et elle voit que sur un bras de la croix, il y a une inscription, peinte en lettres d'or. Après l'avoir lu, elle fut bouleversée et s'écria « Seigneur, sur le bras de cette croix se trouve une inscription en lettres de vermeil, et ce sont des conseils magiques !» Alors Mérogis, qui savait parfaitement lire, regarde la croix, et il voit enfin que c'est écrit, et en même temps qu'il le voit, il entend proférer « Chevalier, toi qui aimerais trouver le conseil que tu cherches, tu peux choisir. Voici trois chemins. » Cette première voie s'appelle la route sans merci. Si tu la prends, sache-le bien, tu ne rencontreras aucune pitié. Si tu veux à l'occasion avoir quelque compassion, n'escompte pas en revenir vivant. C'est pourquoi si tu veux emprunter cette voie, et si jamais tu tiens à revenir chez toi, tu dois abandonner ici toute pitié. Et cette voie, la seconde voie, comment s'appelle-t-elle? Demande Mérogis. C'est la route de l'injustice. Pourquoi? C'est facile à expliquer, tu dois agir partout avec injustice. Moi, c'est marrant parce que la traduction n'est pas exactement la même. Moi, j'ai la route contre raison. Si tu veux t'y engager, tu n'y trouveras rien de raisonnable. Ouais. Mais c'est à peu près le même sens, en fait. Mais du coup, tu ne trouveras nulle part un homme prêt à rendre justice. Quant à la troisième route qui tourne à droite, elle ne porte pas de nom à juste titre. Pourquoi est-elle sans nom? Je ne sais rien de plus à ce sujet, hormis qu'aucun de ceux qui s'y engagèrent n'en revenait. Personne n'en est jamais revenu. Comme personne n'en revient jamais, je peux savoir où ils vont, ce qu'ils deviennent, s'ils sont ou non rentrés chez eux par une autre route. Du coup, c'est la route sans nom parce qu'on ne sait pas ce, que... On sait pas ce qui se passe là-bas. Après, il doit dire, mais vous savez, personne n'y est jamais rentré. Personne n'y est jamais rentré. tu prendras celle des trois que tu voudras. Mérogis reçoit le conseil, puis il se dit bah, j'ai pas envie de prendre la route sans pitié, j'ai pas envie de prendre la route soit sans raison, soit sans justice, parce que ça me ferait commettre des mauvaises actions, donc je vais prendre la route sans nom, parce que parce qu'il dit on sait pas ce qui peut se passer, donc il peut se passer des choses positives, alors que les deux autres, je vais me déshonorer. Ah, c'est très rigolo, parce qu'il demande l'avis de Lidoine, puis Lidoine, moi je sais pas, mais vous irez où je suivrai. Et du coup, il dit de toute façon, rien n'est sûr, faites-elle, allez. Ils sont rentrés, allons, allez, hop, on y va. Allez, waouh, oui, hop, oui. Ouais, allons-y. Et il arrive du coup par la route sans nom. Il arrive à la cité sans nom ou la Gast. Je crois que c'est la Gastchité, la cité. Alors moi j'ai la cité sans nom. Puis après c'est la cité perdue. À la cité perdue littéralement en ancien français. Honte la cité sans nom veut que puisse fut la cité perdue. Ah ouais son vol car il la quiste. Après c'est à grand fessimiste. Donc il a ne trouvé là, ne le trouve pas. Donc il a dû là. Et en fait, il va dire qu'il va devoir y retourner, mais en fait, il la retrouvera jamais après. C'est pas si dramatique que ça, on a l'air, vous verrez. Mais effectivement, c'est une très belle cité qui n'a pas de nom. Et elle arrive d'abord, ils arrivent en arrivant vers ce magnifique port au bord de mer. Et ils rencontrent deux demoiselles d'une extrême beauté, précédées par un nain qui porte un furet et quatre filets. Voilà. Il arrive dans cette ville et puis les gens commencent à le regarder. Donc c'est bien entendu c'est une de ces villes qui a une coutume, qui est généralement un duel. Mais il arrive là-bas, puis il se demande qu'est-ce qui nous attend. C'est rigolo parce que lui il est très ils ont l'air sympas ces gens. Puis des gens qui le passent puis on dit vous avez les bornes passées, vous avez passé les bornes. Puis quelqu'un d'autre dit rien, donc dommage. Genre l'air très c'est comme dans ces films d'horreur. T'as les ados qui arrivent quelque part, puis t'as les vieux qui disent oh vous ferez mieux de pas aller dans ce coin là, vous êtes bien imprudent. Puis lui il est là oh non tout va bien. Puis ça m'inspire pas du tout confiance cet endroit. Puis lui il dit mais non, il y a aucune raison, faut juste pas avoir peur. Si on a peur on perdra tout, mais rassurez-vous. Puis elle dit bon bah voilà rassuré du coup. Voilà rassuré. Puis il est accueilli par Meliadus, le sénéchal de la cité. Il est accompagné, tout en chevauchant vers le port, il saisit des bribes de conversation de deux personnes. C'est quelqu'un qui dit ce chevalier n'est pas moins grand que lui. Donc on ne sait pas de qui il parle, mais il dit oh, il est un peu, il a la même taille que lui. Mais qui lui? Ben, on va le découvrir bientôt. Ils arrivent sur la grève au port de la ville et une petite île au loin. Puis il dit Seigneur, prenez place dans ce bateau et vous allez traverser la mer jusqu'à cette île là-bas. Mais certainement pas. Pourquoi? Bah ma foi, j'ai pas vraiment envie. Mais vous irez. Mais je vous dis que non. Mais vous passerez dans l'île. Mais pourquoi moi? Parce qu'il faut le faire. La coutume exige que tout chevalier qui arrive ici traverse la mer jusqu'à l'île. Mais Mérogis réplique que la chance me sourit et j'abats cette coutume. Auparavant, vous devez aller dans l'île bon gré mal gré. Mais suis-je... Mérogis le dit à reculer. Est-ce que je suis-je donc prisonnier? Et il dégaine son épée. Et je vous avertis, il y aura des membres tranchés si l'un de vous bouge. Restez tous tranquilles. Il sort son flingue. Et puis... C'est ça. Tout le monde se calme, tout le monde finit en petits morceaux. Hein. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a cet aspect un peu étrangement moderne parfois. T'as vraiment l'impression de te retrouver face à un film un peu d'action. C'est pour ça que les gens parlent de parodie. Parce que d'habitude, le chevalier, quand on lui dit il y a une coutume, il dit ma foi, cette coutume est inique, mais je m'y soumettrai, etc. La Mérogis dit non, mais je vais tous vous buter si donc les gens disent, mais vous oseriez résister, puis il dit, je vous explique, il y a une dame à l'intérieur de l'île, il y a un fier chevalier dans cette île avec les deux suivantes de la dame pour les servir, ils sont pas nombreux, mais si vous parvenez à vaincre le chevalier qui vous attend, le château et la dame vous appartiendront, puis du coup vous serez prisonnier là-bas, donc c'est un de ces espèces de King of the Hill où basiquement soit il va se faire tuer par le chevalier là-bas, soit il va prendre sa place et puis être enfermé là-bas, puis ça lui plaît pas plus que ça. On lui dit pas ça. Hein. On lui dit pas immédiatement, mais c'est on lui dit, la terre et le château vous appartiennent, mais on dit pas... Ouais, vous serez prisonnier. Par contre, on vous dit, si vous voulez pas y aller, on vous garde prisonnier, nous. Ouais. Et puis alors, ils disent, bon, allez, Mérogis, toujours à la poursuite, déclare au milieu du... Ils sont tous en train de... En plus, ils sont en train de chanter derrière, parce qu'il faut s'imaginer que pendant tout ce temps, il y a les demoiselles qui les accompagnent, qui chantent, mm-hmm. parce qu'elles se réjouissent de la bataille, donc ils seront fight, fight, fight, ouais. fight. Voilà, il y a tout le monde, en fait, qui vient sur le port pour assister au combat, parce qu'on voit l'île, elle a une encablure du port de la ville, et du coup, tout le monde vient assister à ça. C'est pour ça que tout le monde était en fait, parce qu'il y a un chevalier qui est arrivé, et ils se sont dit, bon, on va enfin avoir un peu de combat. Il y va. Puis commencent à se battre contre lui, donc c'est un classique, ils se battent, ils pètent leurs boucliers, les sangles, ils mettent en pièces leur équipement, ils sont étourdis par les coups, ils comprennent plus rien de ce qui se passe, le soleil luit sur eux, etc. Mais ils résistent, puis les deux chevaliers sont extrêmement forts. Mérogis recule et il dit « je suis plus maître de la partie », et il commence à s'inquiéter, et il commence à reculer. Puis il y a le chevalier qui dit « Dis-moi ton nom, veux-tu... » lui dit « Dis-moi ton nom. » Et il dit « Veux-tu vraiment que je le dise ?»« Oui, que Dieu te bénisse, voilà, je m'appelle Gauvin, c'est ainsi que les Bretons m'appellent communément. »« Quoi ? Vous êtes vraiment Gauvin ? Ma foi, oui, dites-moi comment vous appelez. Je suis Mérogis de Port-les-Gués, je viens de votre terre, j'ai quitté la cour pour me mettre à votre recherche depuis Noël, mais grâce à Dieu, je suis content de vous avoir retrouvé. » Et puis, au dire de tous, Monseigneur Gauvin était perdu. Votre ami et la brillante compagnie rassemblée autour du roi ont perdu l'espoir de vous revoir un jour. Et puis, il y a Gauvin qui répond, mais à juste titre, vous pouvez être sûr que le roi ne me reverra jamais. Mais dites pas cela, c'est impossible. Ces propos sont, à mon avis, insensés. Je me constitue prisonnier, allons-nous-en, traversons, allons sur la barque et traversons. Mais Rogis, c'est hors de question. Comment ça? Mais le plus fort de nous deux doit nécessairement tuer l'autre. C'est ainsi, aucun chevalier n'est jamais sorti vivant de cette île. Jamais vous n'en partirez. Puis il dit, mais parfois vous ne pouvez pas, parce que, basiquement, il dit que personne ne le laissera sortir de l'île, il n'y a que les dames qui peuvent sortir de l'île pour aller chercher des provisions, des choses comme ça, et personne ne peut en sortir. Mais Rogis dit qu'il n'a pas envie, et il dit, mais comme personne n'ose s'approcher d'ici qui vous donne à manger, donc Gauvin lui explique un peu comment ça fonctionne, chaque matin la dame fait signer la barque pour lui amener des trucs, mais personne viendrait si moi j'y allais. Et justement, la barque ne resterait pas au port si je m'approchais, parce que madame penserait que si je montais à bord, je ferais mon possible pour ne jamais revenir. Donc il dit, basiquement, je suis prisonnier sur cette île. Et il dit... Gauvin a l'air assez déprimé, il est là. Mon chagrin est si violent que quand j'y songe, mon seul souhait est que la foudre, l'orage viennent me frapper ici. N'ai-je pas raison? Puis il y a Mérogis qui dit oui. Et honnêtement, cette scène est très comique. Donc Gauvin est très... très très désespéré, mais aussi un peu jovial par rapport à son désespoir, où il est là genre, mais il n'y a aucune échappatoire. Mais Rogis, qui est quand même un peu plus qui est un peu moins dans le désespoir, va se dire non mais je vais quand même essayer de trouver un moyen pour nous faire sortir. Puis il fait un plan, en fait. Et son plan, c'est de se battre jusqu'au soir, puis après ils vont aller sur la plage près dans un vallon qui est visible à la fois du rivage et de la, puis la dame, et d'un coup il va lui arrêter de résister. Il va être frappé et tomber à terre. Et du coup, Gauvin pourra emporter son homme pour faire genre il l'a décapité. Et puis le jeter dans la mer. Et jeter dans la mer. Puis grâce à l'obscurité, les gens croiront que Gauvin l'a battu. Donc l'idée, c'est de faire passer Mérogis pour mort. Alors, le Gauvin, problème. Gauvin est d'accord, parce qu'il était. Gauvin, il dit, même si vous me conseillez de me jeter à la mer, je le ferai. Mais il dit, non, j'ai un meilleur plan, on va faire ça. Le problème, c'est que Lydoine est toujours au port, et puis du coup, elle va voir Mérogis apparemment se faire décapiter, puis elle va croire qu'il est mort. Donc ils font ça. Quand la nuit est venue et que Mérogis a été laissé pour mort, il va trouver la dame et sa compagnie dans la suite. La dame, en le voyant, croit que c'est une apparition du diable, parce qu'elle croit qu'il est mort, et puis elle se signe cette fois, et puis Mérogis leur dit « Vous êtes morte si vous faites un seul bruit. » Il les enferme à clé dans une chambre. Elles se mettent à discuter, mais à voix basse. Et puis il dit, Mérogis se met à crier que si elles font encore du bruit, il va foutre le feu à la pièce. Et donc, très très relax avec un normal one. Et du coup, Gauvin et Mérogis sont contents, mais il faut qu'ils aient un plan pour sortir. Puis ils disent « Mais si on va vers le port, ils vont jamais nous envoyer le bateau. » Mérogis dit « Pas de problème. » Et il prend les habits de la dame et s'habille exactement comme une femme. Il serre les lacets à sa taille et il se pomponna. Mérogis de Port-les-Gaises Drag Race. Non, c'est ça, il se déguise en dame, et il dit aussi paré qu'une coquette, il descendit les escaliers du château, l'épée dissimulée sous son manteau. Et donc il va comme ça, et le narrateur nous dit que vous dire ainsi, il alla au port vêtu en dame, cela lui allait fort bien car il était beau et bien fait de sa personne. De l'autre côté du rivage, les gens... L'épée dissimulée sous son manteau, je sais pas, est-ce qu'il parle de tucking là, ou bien de... Est-ce qu'il y a vraiment un jeu de mots, je sais pas, j'ai pas pensé avant, mais maintenant j'étais là, est-ce que c'est juste un jeu de mots un peu discret C'est possible qu'il y ait un jeu de mots, en tout cas il a vraiment son épée dissimulée sous son manteau, et puis quand les marins arrivent, Mérogis saute dans le bateau de tout son élan avant même qu'ils arrivent, avant que j'aie le temps, et on aurait dit que les planches allaient se disloquer, donc c'est cette espèce de mastodonte qui saute dans le bateau en faisant craquer le plancher. Ce que j'adore dans cet épisode-là, c'est juste avant qu'ils sortent, ils dorment donc la nuit au château, puis on nous précise bien, Raoul précise bien avant qu'ils partent que, alors ils font tout comme dans un château normal, sauf que vu qu'il n'y a pas d'église, ils ne peuvent pas aller à la messe. Ça ouais. Fait très genre, dans un château normal, ils seraient allés à la messe avant petit déjeuner. Mais là, c'est un château maléfique, alors il n'y a pas la messe. Pendant ce temps, il faut préciser que donc Lidwen, qui avait vu la scène de la bataille et qui était désespéré la nuit précédente, avait été emmené dans un château voisin de la ville par une jeune fille qui s'appelait Amis, qui était son amie et qui essayait de la consoler, alors qu'elle est complètement désespérée, elle pense qu'elle est l'a perdu pour toujours, qu'il est mort, quoi. Et du coup, Mérogis a sauté dans le bateau et il dégaine son épée, il fait « Votre dame est arrivée, où est-elle ? Ici, dans ma main !» Donc il y a vraiment des punchlines de films d'action, genre oh, « Voici votre dame, chouing !» Je sais, ouais, c'est ça, c'est, je suis venu botter des culs et mâcher du chewing-gum, et je suis à court de chewing-gum. C'est très swashbuckling film d'action. J'aime beaucoup que justement il ait sa punchline « Votre dame est arrivée », mais qu'ils doivent quand même expliquer... Dans ma main, et puis il ouvre le vêtement. « Sur mon âme, cette épée, c'est votre dame qui vous apportera la damnation. Vous mourrez sans confession si vous ne faites pas ce que je veux. » Donc il leur promet quand même une récompense s'ils font ce qu'ils obéissent. Et donc, il revient du côté de l'île pour récupérer Gauvin. Ils jurent alors la force de Champchevalier. Et ensuite, ils appareillent. Mais le bateau va traverser le détroit et... accosté dans la terre de Anditou, qui a pas... Donc là, il y a de nouveau... J'ai Adicon, mais ouais, je vois tout à fait exactement pourquoi il... Ah, parce que C-O-N, en fait, tu peux le lire en T-O-U, suivant comment les minimes sont mises et suivant ce que tu essaies de lire. Moi, j'ai Adicon, ce qui serait... En fait, Mérogis et d'ailleurs, c'est aussi vrai de la Vengeance Tragédale, il y a beaucoup de liens avec l'Écosse. Ouais. Et quelqu'un avait supposé que tout ça se passait autour du Firth, de Forth, donc dans le détroit, le fjord où se trouve Édimbourg. Adicon, ce serait Haddington ou Haditon, du coup, dans le Lothian. Donc, l'île sans nom, ce serait vraiment une île au fond du Firth de Forth. Et puis, du coup, elle serait partie d'un côté, puis ils auraient navigué de l'autre depuis la cité sans nom, en fait. Puis ils naviguent, puis ils nous disent justement, ils arrivent un petit peu vite sur la terre de Anditou, hein, Adicon. Comment ça ? Bah, parce que le bateau pénètre si brutalement qu'il est prendre un rocher, il se fracasse et il se brise en deux. Bon, pas grave, ils sont tous sains et saufs. C'est très GTA, en fait. Tu voles la Seine avec un bateau volé, puis tu le crashes quelque part, puis tu pars. Et donc, ils vont tous... ils sont hébergés par le comte pour ce soir-là. Glodoin. Glodoin de Adicon. Ou Adicon. Mais Gauvin dit qu'il veut quand même accomplir la quête de l'épée aux étranges anges parce qu'il est parti pour ça de la cour d'Arthur et qu'il veut pas rentrer les mains vides parce qu'il se déshonorera et il dit qu'il va le faire et puis de son côté Mérogis dit que merde on a oublié Lidwen on a oublié de récupérer Lidwen et justement c'est ça que je trouve intéressant parce que le roman mentionnait pas beaucoup Lidwen à part quand elle intervient directement puis c'était toujours Mérogis bouge il au singulier alors qu'en fait il y avait toujours Lidwen avec il y avait toujours Lidwen qui était juste en arrière-plan. Sauf que là si c'est pas un effet qui est fait pour que justement ça rende le côté plus comique du ah merde on l'a oublié en fait on a oublié Lidwen et disons une chose qui unit aussi ces deux œuvres, on va le voir dans La Vengeance Tragédale, c'est que l'oubli, c'est-à-dire qu'un personnage qui se rend compte que merde, j'ai oublié de prendre ce truc ou d'aller chercher cette dame ou de faire ça, c'est un ressort dramatique assez courant dans les deux. Mais donc, j'adore parce qu'à un moment, Gauvin trouve quand même qu'il pleurniche trop. Ouais. Parce qu'il est en train de se frapper, de se lamenter. Puis mon Gauvin lui dit mais vous exagérez, c'est exaspérant. Arrêtez de vous lamenter ainsi, mon monsieur. C'est vraiment ce côté très Gauvin Calamar quoi. Et du coup, il promet. Il réconforte un peu Merogis, puis il lui prend quand même de l'aider parce que c'est à lui qu'il doit la vie. Donc il décide de l'aider, mais il lui promet il lui fait promettre de ne pas se lamenter trop longtemps. Et puis il lui promet de veiller sur Lydwen s'il la trouve sur son chemin et de partir à sa recherche aussi. Et d'ailleurs, en passant, ils en profitent avant de partir pour recommander les quatre marins qui les ont amenés là, dont ils ont craché le bateau au comte. Puis le comte dit oui, je les aime bien, ils sont gentils, donc il les garde à son service. Les anciens marins de la dame, je sais pas. Et du coup, ils sont équipés et ils reçoivent de l'équipement et des affaires pour pouvoir voyager, parce que visiblement, ils ont dû laisser pas mal de leurs affaires derrière sur l'île de la dame, au-delà de la cité sans nom. Mais donc, on quitte Gauvin pour un moment, parce qu'on va suivre de nouveau Merogis pendant que Gauvin se barre. Mais en fait, le problème, c'est qu'il essaie de trouver la cité sans nom, parce qu'il pense que Lydon est toujours là-bas. La cité sans nom, en fait, c'est pas le nom de la cité. C'est juste que lui, ce que j'ai compris en tout cas, il connaît pas le nom c'est de la cité. Personne ne connaît, il a pas appris le nom de la cité. Du coup, il demande où est la cité sans nom. Tout le monde pense qu'il est cinglé. Et du coup, le Lidoni est aussi chercher Paris en Angleterre pour dire cité sans nom. Et tout le monde se moque de lui, effectivement, c'est littéralement ça. Il y a un jour où il lève, il dit justement à vouloir trouver Paris en Angleterre, on peut chercher longtemps. Puis du coup, un jour, il lève les yeux de colère au ciel et il dit mon Dieu, n'as-tu rien en ton pouvoir pour me consoler? Non. Puis il y a une espèce de dialogue plus ou moins imaginaire avec Dieu. Non, mais si, mon Dieu, tu devrais pouvoir me donner la mort ou avoir pitié de moi. Comment? Ne suis-je pas tout celui-ci? Tu me demandes quelle grâce je désire obtenir? Bah, le paradis. Qu'ai-je dit? Jamais je n'aurai de cesse que j'y accède. Pourquoi? Ceux qui y sont n'ont-ils donc pas tout ce qu'ils veulent? Donc là, il y a un dialogue avec Dieu ou. Enfin, c'est plutôt, figuré je pense avec c'est plutôt Dieu, lui qui imagine les réponses de qui Dieu. Qui imagine en fait les réponses de Dieu, et puis. Qui dit je voudrais accéder au paradis, etc. Mais si je m'y trouvais maintenant au paradis, Lydwen serait là parce que je la désire, et puis qu'au paradis on a tous nos désirs qui sont satisfaits, et puis pour moi ce ne serait pas le paradis si elle n'était pas là. Donc on a un discours qui est assez proche, peut-être du songe d'enfer et de ce genre de choses-là, dans cette histoire amoureuse. Il arrive à un enclos qui est gardé par Maret d'Escaldéis. Je sais pas ce qu'il y a dans ta traduction, mais Maret d'Escaldéis. Alors moi c'est effectivement Marès d'Escaldéis. Ils se battent, mais Rogis ne le remarquait pas avant qu'ils viennent l'éperonner. Il reprend ses esprits quand ils lui foncent dessus, ils se battent, mais d'un seul coup, l'outre-douté débarque. L'outre-douté, le cruel, le fou, qui cherchait Merogis depuis longtemps. Et puis Merogis dit à Marais, laisse-moi partir parce que je le déteste beaucoup plus et que j'ai une haine mortelle pour lui. Et Marais lui dit, je te laisse une trêve du coup. Et puis plus tard, nous pourrons nous battre comme des ennemis mortels. Merogis se lance à la poursuite de l'outre-douté. Il le suit jusqu'à ce qu'il parvienne à un château. Et aussitôt, il va jusqu'à la tour et il regarde par l'embrasure de la porte de la tour et il découvre au milieu de cette enceinte un pain aussi vert que si c'était l'été. Donc là, on est quand même en hiver. Et inutile de se demander si le pain était d'une grande beauté. Autour du pain, des jeunes filles chantaient en faisant une ronde. Parmi elles, dans la ronde, ne se trouvait qu'un seul chevalier. Là, pour mettre la joie à son comble, il entonnait le chant. Donc il y a cet épisode de la carole enchantée qu'on trouvait aussi dans le Lancelot propre. Une carole qui attire les gens et qui fait qu'ils sont piégés dedans. Et ce qui est rigolo, c'est que le chevalier qui chante, à ce moment-là, le chevalier chante plus fort que tout le monde. Et là, demande le questionneur du récit, demande « Et qui est-il ?» Et donc le narrateur, « L'outre-douté est-ce ?» Donc c'est l'outre-douté, celui que Merogis avait suivi si longtemps. Donc t'imagines l'outre-douté, quel joli gars, en train de chanter à tue-tête, en train de taper des mains, puis de danser comme un fou. Puis de danser un fou avec les dames. « Va-t'en, chevalier, cesse de chanter, je te défie, tu vas bientôt mourir. » Et il fonce vers lui pour ça, mais d'un seul coup, ses intentions sont bouleversées parce qu'il est enchanté. Et d'un seul coup, il dit « J'ai envie de chanter et de danser. » Et puis du coup, c'est en fait une espèce de ronde enchantée où il y a toujours un chevalier. Puis donc en arrivant, il prend la place de l'outre-douté. Puis l'outre-douté sort et il le voit et il fait « Je vois que c'est celui qui a jeté mon écu à terre, je l'ai retrouvé et je n'ose pas aller le chercher là où je le vois. Parce que si j'y vais, je chanterai de nouveau dans la ronde. Je me prêterai à toute autre chose que cette mauvaise plaisanterie. » Donc l'outre-douté comprend qu'il ne peut pas entrer dans la tour parce que sinon il va être aussi piégé par la carole enchantée. Et du coup, il monte sa tente devant la tour en attendant qu'il sorte. Mais ça ne marche pas. Pendant ce temps, on retrouve Lydwen, qui arrive chez... Qui a été hébergée chez cette dame Amis, donc, du coup. Mais elle reste pas très longtemps. Elle part dès le matin. Et en fait, elle tombe en parcourant dans un bois. En fait, elle est accompagnée. Hein, elle est accompagnée par Amis, à qui elle a promis de l'héberger dans son pays à elle. Mm-hmm. Parce qu'elle se dit, bon, bah, maintenant que j'ai perdu Merogis, je dois retourner chez moi et j'en serai la reine du pays d'Escavalon, quoi. Mm-hmm. Et le problème, c'est que sur le chemin, elle tombe sur un cheval qui s'appelle Bergis ou Bergis. Tu Tu as quoi, toi? J'ai Belchis. Belchis. Ah non, Belchis. J'ai Bergis. Bergis le louche. Belchis le louche. Alors, il louche, et donc, il est pas... Il est laid, et donc, du coup, il est mauvais. Vu qu'on est dans les textes arthuriens, quelqu'un qui est laid est quelqu'un nécessairement mauvais. C'est alors à la fois la tête la plus dure que du bois, l'homme le plus laid jamais créé par la nature, l'être le plus méchant qui soit, détester les gens de bien, mais ça coquinait avec tous les méchants. Et il est présenté comme, en quelque sorte, pire que l'outre-douté, finalement. Il est plus sournois. Parce que l'outre-douté, c'est un chevalier fantastique, très redouté, mais qui est systématique. Au moins, lui, c'est vraiment une question d'accoquinement et de méchanceté. Mais en même temps, il a des yeux torves, par exemple. Il a vraiment les yeux assez mesquins, méchants. Il est grand, robuste, maigre, mais il est vraiment fourbe, quoi. Il est vraiment... c'est le traître, quoi. On serait au 19e siècle, on nous décrirait sa bosse du traître, son... ces zones, on ferait de la phrénologie pour lui expliquer qu'en fait sa tête signale qu'il a c'est l'avilissement de la traîtrise est présent en lui physiquement, quoi. Et donc Lidoine raconte ce qui lui est arrivé à Belchis, et Belchis dit: oh, puisque Mérogis est mort, mon fils le courtois Espinogrès, de nouveau qui revient, sera désormais son ami. Donc il veut la marier à son fils, même si Lidoine n'est pas d'accord. Espinogrès. Et puis il faut préciser qu'il commence par l'accoutumement de: ouais, mais il a beaucoup de terre à côté d'Escavalon, puis il dit: ah, mais j'étais un ami de ton père. Pas du tout creepy. Tu as beaucoup grandi. Et il dit que en fait son fils Espinogre ou Espinogrès, qui est hébergé chez son oncle Méliandlis, donc là d'où on retrouve Méliandlis, qui a promis de l'adouber parce que justement elle lui faisait promettre: ah, mais elle est contrariée, mais elle dit bon, elle donne le change, en fait. Elle donne le change, puis elle essaie de trouver des raisons, puis elle dit: mais il faut que soit adoubé chevalier avant, elle essaie de gagner un peu du temps. Et elle va faire envoyer un message parce qu'elle pense que Mérogis est mort. Et puis elle dit: envoyer un message à Gorvin, parce que c'était l'autre personne qui l'aimait. Puis elle se dit: je vais devoir faire recours à lui parce que j'ai pas d'autres ressources de ce côté-là. Envoyez-lui un message. Elle dit ça à Amis, donc, hein, qui l'accompagne. Envoyer un message à Anchise le Roux, mon sénéchal, pour dire qu'à titre de souveraine, je lui demande d'accueillir Gorvin Cadrus comme seigneur de ma terre le jour où il viendra réclamer ses droits. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Gorvin va débarquer sur la terre d'Escavalon. Il va prendre plus ou moins le pouvoir avec l'aide du sénéchal comme premier ministre, quoi. Comme Lidoine le voulait. Voilà, il prend le pouvoir, il est immédiatement très généreux, il a accès aux richesses. Il distribue les richesses. Il commence à distribuer des billets. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, Gorvin était plus ou moins l'antagoniste jusque-là, mais là, il devient du coup plus ou moins l'aide de la demoiselle qui est notre héroïne. Mais d'un côté, il est aussi opposé à un antagoniste très, très net, qui est Bergis. Donc, il y a vraiment une espèce d'ambiguïté, en fait, dans le rôle de Gorvin, parce que c'est lui qui protège le royaume, mais d'un côté, il a pris le pouvoir, ce qui était destiné à Mérogis. Et puis, elle aimerait bien... De toute façon, elle se dit que Mérogis est mort, donc c'est assez logique que ce soit Gorvin qui reprenne son poste. Mm-hmm. Mais il y a vraiment ce côté un peu, justement, Sasuke, rival de Shonen, chez Gorvin, qui est un peu... qui est présent là. On nous dit que Gorvin vient du château de Pantélion. Il apparaît aussi comme ça dans le Humbo qu'on verra, un de ces quatre, je pense. Mm-hmm. Dans la première continuation, il y avait un château de Pantélion où habitait un traître qui s'appelait Makaroth, si jamais. Mm. Donc ça, c'est les notes que j'ajoute à ça. Ce que je trouve rigolo aussi, c'est vraiment que Bergis n'en a rien à foutre de ce que veut Lidoine. Elle dit: ah, mais il faudrait que je retrouve un nouvel ami. Puis lui, il dit: bon, bah, votre nouvel ami, ce sera mon fils Espinogrès. Puis elle est là: ouais, alors on va temporiser. Bah, dès qu'il sera chevalier, écoutez, je vais vous laisser là, je vais rentrer chez moi à Escavalon, puis vous me l'envoyez quand il est chevalier. Puis non, pas du tout, évidemment, vous allez rester dans mon pouvoir et vous ne repartirez pas tant qu'il ne sera pas roi d'Escavalon. Du coup, il dit: ok, vu que j'ai pas le choix, d'accord. Très bon, bah voilà. C'est là qu'elle envoie Amis justement pour aller chercher Gorvin Cadrus qui... Gorvin, une fois qu'il a pris le pouvoir, commence immédiatement à envoyer des messages dans tout le royaume pour que les vassaux viennent, et il dit que l'armée va partir le lendemain. Ils montent une armée qui va partir pour aller assiéger Belchis. Il commence immédiatement à incendier sa terre. Là, il y a une première bataille qui se passe alors que dans les montagnes proches du château de Belchis, ils arrivent rencontrer les troupes de Belchis-Lelouz qui se fracassent contre. Donc le choc des deux armées est terrible, ils se donnent des coups dans la montagne. Ça tourne pas forcément à l'avantage immédiatement de Gorvin, finalement ils se replient chez eux, et puis il commence à assiéger le château et puis à essayer de le prendre d'assaut, à construire des échelles, parce des catapultes. On nous dit toute une succession, en fait, d'événements. Bergis doit reculer de plus en plus, en fait, il perd de plus en plus de château. Et puis finalement, il est acculé dans le château de Montrond, mais qui est le château le plus fort de toute l'île de Bretagne, plus ou moins, qui se trouve à la frontière, enfin près de la mer d'Écosse. Et c'est là qui est intéressant, c'est que du coup, c'est le château. Tous les châteaux jusque-là ont plus ou moins de prix, mais là, il a mis toute sa famille, il a mis Lidoine, il a mis tout le monde. Et c'est imprenable et personne ne pourra prendre mon haut de force, en fait. Et donc, il commence à faire monter des engins de siège le long des murailles, etc. Mais, en fait, le vrai problème, c'est que c'est un château qui est acculé à la mer, donc et on ne peut pas accéder à la plage, donc il peut continuer à recevoir des provisions, en fait. Donc, en fait, c'est plus ou moins une situation de stalemate, quoi. Ils sont à égalité. Stalemate, et puis c'est plus ou moins le château de Blanchefleur dans le Conte du Graal, finalement. Un château qui est assiégé, mais il a un approvisionnement par la mer. Et pendant ce temps, Mérogis, lui... il est toujours en train de danser la carole. Oui, et puis pendant un bon moment d'ailleurs. Il danse 10 semaines jusqu'à ce qu'un autre chevalier arrive à son tour et entre par hasard dans le château. L'enchantement du château voulait qu'il y ait toujours un chevalier. Alors là, il se réveille, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis victime d'un enchantement bien échangé, mais j'entends des sons magiques qui conviennent à mes oreilles, le chant du rossignol, et il interprète le chant du rossignol comme oxy oxy, donc tu tu. Et puis, tout à l'heure, la couche de neige était très épaisse dans le pays, mais maintenant, il ne la voit plus. Alors là, il faut préciser peut-être que moi, à mon avis, ce n'est pas le oxy-oxy-tu-tu, c'est en fait le cri du rossignol dans le Philomèle de Chrétien III. Il dit aussy-aussy-aussy, justement. Donc ouais. C'est juste une illustration. À mon avis, ça ne veut pas dire tu-tu-tu, non? C'est juste une représentation, une onomatopée. Enfin, il me semblait que c'était plutôt une allusion à Chrétien que vraiment tu-tu-tu, parce qu'il n'y a pas vraiment de... En fait, le seul but du chant du rossignol ici, c'est de lui faire comprendre qu'il est au printemps, en fait. Oui. Et puis lui, il a un débarras, il dit « mais je ne peux pas entendre le chant du rossignol, c'est l'hiver ». Ça, il ne se souvient pas, en fait, d'avoir passé 10 semaines. Ouais, il a passé 10 semaines là-bas. C'est l'interprétation de l'édition de la Légende arthurienne par Mireille Desmaules, mais je ne sais pas... Après, dans le Philomèle, il y a aussi... Ah, mais dans le Philomèle, il a ce rôle de tu-tu, mais je pense que c'est juste l'allusion, en fait, au... Alors, est-ce que ça a vraiment sens, là? Alors, c'est peut-être... Enfin, en tout cas, selon l'édifice de Mérogis, c'est juste le but de faire une édition au Philomèle, parce que dans le contexte, on ne voit pas bien ce que ça veut dire, le tu-tu-tu, en fait, parce qu'à la limite, s'il était en train de tuer l'autre douté, pourquoi pas, mais là... Bah, ça ne va pas tarder, justement, parce qu'il est en train de se balader jusqu'à ce qu'il rencontre enfin l'autre douté et il lui dit tu es assez chevauché, je n'ai jamais été plus heureux qu'à cette occasion, il n'y aura plus jamais de réconciliation entre nous, j'ai hâte de t'avoir à ma merci. Ils se battent, donc c'est un combat absolument terrible. Mérogis reçoit une blessure profonde dans la poitrine. Ils sont les deux blessés à mort, puis ils se tiennent un peu le front l'un contre l'autre, donc en fait, qui les empêche de tomber. Cette scène finale, j'ai trouvé que c'était un peu original dans la description de combat arthurien, c'est justement ils se massacrent, ils s'entrepercent, donc Mérogis est transpercé de part en part. Et ils finissent vraiment à se tenir les épaules l'un l'autre parce qu'ils arrivent pas, ils tiennent pas debout l'un sans l'autre, quoi. Et l'outre-douté déclare justement, tu es le plus valeureux qui puisse jamais être mené par deux hommes et tu resteras sans égal. Pourquoi malheureux? Parce qu'il est perdu ce combat. Aucun de nous deux n'en connaîtra jamais l'issue parce qu'on est les deux mortellement atteints. Et il dit, je t'accorde la suprématie sur eux tous car tu es le plus extraordinaire. Ne t'orgueillis pas trop de si je t'estime parce que cet éloge tu vas le payer de ta vie. Et donc ils restent debout, comme ça, sans même réussir à parler, et ils s'effondrent ensemble quand l'outre-douté meurt. Et Mérogis s'écroule sur lui, qui est encore en vie, et il gémit doucement. Alors il se souvient de Lidoine, mais aussi de la main qu'il avait promise à Laki. Et alors que l'outre-douté est en train de s'effondrer, il se redresse et il coupe, la main de l'outre-douté, et il la prend, et il la tient serrée sur sa poitrine. Enfin, il y a vraiment une description assez rigolote, parce qu'on le voit en train de mettre le poing, on lui décrit juste qu'il met le poing à terre, puis qu'il lève son épée, puis c'est vraiment une description super dynamique en fait de lui qui se lève pour trancher la main. C'est vraiment assez fou comme description, quoi. J'ai trouvé ça vraiment assez important. Ça change un peu des combats habituels. Mais du coup, ils restent les deux étendus à terre, mais Mérogis a l'air mort. Puis vient l'armée entière de Mélian de Lys. Alors Mélian de Lys, on l'a dit, c'est l'oncle de c'est le beau-frère de Mérogis, selon le texte. Et donc il lui avait demandé de le rejoindre à Pâques. Le Sérourge, Estou et Bergis le louaient. Qui lui avait demandé qu'à Pâques fût à lui. Le Sérourge, apparemment, c'est un mot pour le beau-frère, en vieux français. Et puis, ils arrivent avec, justement, Espinogresse, qui est le neveu, et ils reconnaissent tout redouté, puis ils disent, mais qui a pu le tuer? Parce que personne n'a pu tuer ce chevalier que tout le monde redoutait. Il n'y a jamais eu de combat plus terrible. Je ne sais pas à qui revient la victoire, mais chacun aura vengé sa propre mort. Et puis, on voit qu'il a tranché la main de l'outre-douté, donc c'est, sans conteste, le vainqueur. Et puis, du coup, la dame de Mélian de Lys, Madame Odelys, qui est l'amie de Mélian de Lys, lui met la main sur la poitrine, puis elle voit qu'en fait, il est encore chaud, donc il est encore vivant. Ça m'a fait beaucoup penser à la scène où t'as Narcissa Malfoy qui voit que Harry Potter est toujours vivant. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais il y a ce côté un peu. Alors pour le coup, c'est pas la même chose. Elle dit qu'il est encore vivant et qu'il faudrait le soigner en fait pour le prêter à Bergis, ironiquement, qui retient Lidoine prisonnière parce que c'est un chevalier aussi vaillant qui permettrait de vaincre Gorvin. Du coup, ils le mettent sur une civière avec des petites fleurs et une jonchée de violettes fraîchement écloses. Ils le posent dessus et ils essayent de lui enlever la main qui tient sur la poitrine. Mais là, il ouvre les yeux, il la regarde d'un air menaçant et il se révulse aussitôt en jetant une plainte et il s'évanouit. Donc, puis on dit, oh, on devrait peut-être pas lui enlever la main, il a l'air d'y tenir. Et donc, il lui laisse la main de l'outre-douter. Et il est ensuite amené au château, il est pansé, on lui pose des garrots et il va pouvoir rester dans le château assiégé. Il pose des questions sur ce qui... Quand il commence à se réveiller puis à reprendre connaissance, il pose des questions. Puis il lui dit c'est Gorvin Cadrus qui assiège. Puis Gorvin, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Ah, pour l'amour de Lydoine, une dame qu'il veut épouser. Lydoine, elle est ici. Puis donc Mérogis a été rattrapé par l'histoire. Et mais on lui a rasé la tête comme un fou. Donc c'est un passage un peu comme la folie d'Yvain de Lancelot de Tristan, où il est où il va retrouver Lydoine lors d'une espèce de soirée, malgré le fait qu'il est couvert de blessures, il arrive à obtenir de ses médecins qu'il aille se divertir par une petite conversation pendant une espèce de soirée. Il voit Lydoine s'évanouit immédiatement, puis elle dit « Oh, j'ai vu ce fou !» parce qu'elle reconnaît Mérogis, mais elle dit « J'ai vu ce fou et ça m'a tellement choqué, son aspect est tellement affreux. » Et puis Mérogis lui-même a ses blessures qui... ça lui réactive le cœur, et du coup il y a du sang qui se met à gicler de ses blessures, vraiment comme sous haute pression, parce qu'il a vu Lydoine. Et puis pour pas qu'on sache que c'est une réaction d'amour qui a fait ça, il dit que c'est le feu qui l'a tué parce qu'il s'est trop réchauffé auprès du feu. Puis donc elle prétend de son côté qu'elle devient un peu folle, enfin qu'elle a eu peur de lui en fait. Mm-hmm. Et du coup on les isole pour éviter qu'il se déclenche encore une réaction pareille dans les uns des autres, puis on les met chacun de son côté. Et pendant ce temps, c'est le jour de Pâques, parce qu'en fait on était en hiver, c'était Noël. Mérogis avait été pendant 10 semaines dans la Carole. Quand il s'était réveillé, il voyait les neiges fondre, puis le mois d'avril commençait. Il s'est rendu compte qu'effectivement il était en avril quand il avait vu des gens clouer des rameaux sur une croix, donc parce qu'on était le dimanche des rameaux. Et là c'est Pâques, donc ça allait assez vite hein, finalement. On est à Butost. Alors ça je sais pas où c'est vraiment. Il y a l'expertise des lieux un peu bizarres chez Raoul de Houdinck, Butost, où le roi a fait sa cour, et Gauvin est à la cour, il est revenu à la cour après avoir été délivré par Mérogis. Tout le monde l'avait cru mort, donc tout le monde était très content. Mais un jour arrive Amicette, et elle arrive, et en fait elle joue la demoiselle, elle n'est pas laide et elle n'est pas horrible, mais elle joue un peu la demoiselle qui met au défi les chevaliers. Et c'est assez rigolo, je trouve, cet angle, cette inversion des angles, comme au début on avait vu le roman commencer sur la figure de Lydoine, c'est elle qui commence le roman, contrairement au chevalier. Et là, de nouveau, l'aventure est déclenchée par quelqu'un, qu'on sait pourquoi elle était envoyée là. Et c'est les chevaliers de la cour d'Arthur qui vont apprendre que Gauvin est un peu est à blâmer parce qu'il Mérogis est mort, et que Lydoine, son ami, est retenue prisonnière par Mérogis le Louche, et que vu que c'était Mérogis qui avait promis de le libérer, ce serait c'est à Gauvin d'aller s'en occuper. Et puis lui, alors il est courant que Mérogis n'est pas mort, mais il se dit si on apprend que Mérogis est encore en vie, et que vu que c'est Gorvin qui est en train d'assiéger le château en fait de Lydoine, j'ai pas envie de faire en sorte que Gorvin apprenne que Mérogis est toujours vivant, et donc il décide d'aller chasser Mérogis vu qu'ils sont rivaux. Donc je vais prétendre qu'il est bien mort, mais je vais aller essayer de rejoindre le château pour libérer Lydoine aussi. Donc Gauvin, il a toute une réflexion comme ça, et il demande confirmation quand même au roi avant pour être sûr que tout le monde pense que Mérogis est mort, et il décide donc d'aller au château de Bergis, accompagné par à peu près toute la cour d'Arthur. Donc ils se rendent là-bas. Pour résumer un peu ce qui se passe pour ce qui se passe avec Belchis, c'est que Gauvin va arriver assiéger le château. Il arrive notamment avec une flotte en fait qui permet justement de contrer un minimum l'approvisionnement. Donc on envoie toute la flotte de toute la Bretagne pour aller couper le château. Ça complète le siège. Puis on va organiser un duel entre un chevalier blanc, et puis ce fameux chevalier blanc, en fait c'est Mérogis qui dit je suis rétabli, j'ai envie de me battre, et il veut sortir pour casser la gueule à Gorvin. Et puis les forces qui assiègent vont envoyer Gauvin. Et donc, quand il se bat contre lui... Enfin, d'abord, c'est Calogrenant qui est envoyé. D'abord, c'est Calogrenant qui... Comme dans Yvain, en fait. Comme dans le Chevalier au Lion. Calogrenant qui se fait immédiatement renverser, puis il se pète le bras comme ça arrivait à queue dans le Conte du Graal, en fait. Mais cette fois-ci, c'est Calogrenant. On envoie ensuite, Gauvin. Et puis, ça fait du coup un écho de ce qui s'est passé dans la Cité sans nom, où c'était Gauvin qui était le chevalier mystère. Là, c'est Mérogis. Et quand il le reconnaît, Gauvin dit « Ah, mais c'est vous. Bon, je vous donne mon épée. » Et il abandonne immédiatement. Et les troupes qui assiègent le château deviennent complètement folles, parce que mais Gauvin a abandonné. Il est déshonoré. Puis du coup, il commence à dire « Gauvin est un traître, et si on le trouve, on va le buter. On va le buter, envoyer sa tête à Arthur. » C'est littéralement quelqu'un qui dit « On va le tuer, envoyer sa tête. » Mais c'est la suggestion de Mérogis hein, qui fait ça. Parce que Mérogis se révèle à lui, puis dit « Attends, c'est moi Mérogis. Je vous ai sauvé. Faites-moi confiance. » confiance, on va continuer à notre plan secret. Donc en fait, c'est un peu bro comme ça, il est dans la confidence. Puis Gauvin, le thème, c'est qu'il fait toujours confiance à Mérogis, en fait. Mm-hmm. Donc du coup, il utilise ça, en fait, Mérogis, pour s'attirer l'amitié de tout le monde à l'intérieur du château, en disant, bah voilà, j'ai Gauvin de mon côté maintenant. Et ironiquement, il va faire jurer fidélité, il va faire en sorte que Gauvin... Ben, va faire prêter serment, va prêter de, serment d'être loyal à Belchis et compagnie et Gauvin, et puis du coup tout le monde va prêter serment d'être vassal de Gauvin et de Mérogis, ouais. Et du coup Mélian de Lys, qui se méfie un petit peu, dit vous êtes sûr, ça serait un peu extrême. Puis d'ailleurs Gauvin dit oui mais attendez, je n'exige pas que vous prêtiez serment comme ça. Puis il dit non mais ce serait une marque d'orgueil de refuser. Berger, c'est très confiant, et Mélian de Lys jure à contre-cœur. Mais il décide quand même de d'accepter, parce qu'il a la main un peu forcée par Bergis. Et du coup, ils vont faire une sortie tous ensemble. Gauvin donc va être ciblé en fait par Gauvin, Bergis et Mérogis. Et du coup, maintenant, en fait, on est un peu du côté de Bergis, ironiquement, parce que nos deux protagonistes entre guillemets sont de son côté. Et Gauvin taille quand même pas mal dans sa propre armée, ce qui est un peu... Alors, au début, on vise d'abord surtout l'armée de Gauvin, mais après, c'est quand même un peu la table ronde qui va en souffrir également un petit peu. Et le problème, c'est que la sortie, en fait, D'abord, ils ont fait quelques prisonniers parmi l'armée, et de nouveau, Bergis va vouloir les mettre dans une cage, puis Mérogis leur demande de nouveau de prêter serment et de servir de l'autre côté. Et de nouveau, on apprend en fait que Lidoine apprend que le chevalier blanc les a aidés. Elle demande qui c'est. Et là, du coup, les dames qui l'accompagnent disent vous êtes sûr que vous allez le voir? Parce que je pense que vous allez rechuter si vous tombez. Parce qu'en fait, ils disent que c'est le fou. Puis elle dit mais c'est pas possible, il était dans un tel état. Puis alors, elle veut le revoir. Et on lui conseille de se signer. Puis alors, elle fait le signe de croix plus de 100 fois pour se prémunir, pour accumuler un peu de mana et puis avant d'attaquer. Et ce que je trouve, c'est que en fait, là, ils se croisent les deux. Puis ils se reconnaissent, ils tombent amoureux. Ils sont bien évidemment amoureux de l'un de l'autre. Donc ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et puis là, Bergis est là, mais attendez une seconde, il faut que je vais t'infliger les pires outrages maintenant si tu voles la fiancée de mon fils, décampe. Et du coup, Mérogis est là, bon, c'est ma copine, arrête, je te la prends de force, si tu veux la guerre, tu l'auras. Et puis il dit, c'est moi Mérogis, elle est mon amie, par Saint-Denis, on déplaise à quiconque, c'est Mérogis qui vous l'enlève de force, si vous voulez vous rebiffer, comment misérable, pour qui te prends-tu, tu pourrais être Mérogis et Dieu tout à la fois, tu n'auras pas Lidoine. Puis alors il dit saisissez-le moi, puis alors il dit toi de saisir de moi, mais c'est moi qui vais m'emparer de toi, ne tue pas mon vassal. Parce qu'il a prêté serment à Mérogis. Parce qu'il a prêté serment, alors il dit non, alors je t'accuse de trahison, puis donc il y a une espèce d'échec multidimensionnel. Non, puis c'est ça qui est rigolo, il essaie de le frapper, et du coup, Belchis arrive à s'échapper, mais la Gauvin va le tabasser, et Mélian de Lys s'interpose, et finalement dit attendez, Belchis, vous avez vraiment prêté serment à Mérogis. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée, mais vous l'avez fait. Du coup, maintenant, je suis du côté de Mérogis. Mm-hmm. Parce que Mélian de Lys, au moins, il est fidèle à sa parole. C'est vous-même qui m'avez fait ce serment dans votre cœur, je m'engage à le respecter. Du coup, Lelouch, qui est aussi un peu le lâche, visiblement, il dit effectivement on doit lui rendre son ami parce qu'on n'a plus le choix maintenant. Mais du coup, ils sont quand même dans la merde parce qu'ils sont toujours assiégés. Mais du coup, tout le monde est d'accord. Il y a une espèce de tout le monde qui dit Belchis voit qu'il est en minorité et puis que tout le monde dit rendez-lui son ami, rendez-la lui, parce que tout le monde veut réunir les deux amants. Et puis finalement, il dit je m'avoue vaincu, je te l'abandonne. Et après, il se donne le baiser de paix, mais il ne l'aime pas sincèrement. Et puis, en apprenant que Mérogis est en vie, Gauvin lève le camp et va à Escavalon et s'emparer de la terre. Immédiatement, il passe en mode Game of Thrones et il est là, genre c'est bon, j'ai toute l'armée, je fonce. Et il va prendre Escavalon, du coup. Il va prendre Escavalon. Du coup, la dernière scène du roman, maintenant que les deux amants sont réunis, c'est que justement Mérogis et Gauvin vont enfin avoir leur duel. Parce que Gauvin avait le fait qu'il a pris Escavalon pour dire bon, maintenant, si tu veux récupérer Escavalon, il faut me battre en duel maintenant. Et il dit que le jugement qui a été passé à Noël était inique et qu'il veut vraiment. Il veut pas un procès, mais il veut le combat. Et du coup, Mérogis accepte de bon cœur et promet qu'il se battrait contre lui à la Pentecôte, à la cour du roi Arthur, puisque c'est là que Gauvin était spolié. Et le duel a lieu effectivement à Cantorbérisque aussi. D'ailleurs, on nous précise que Laki se rend à Cantorbéry aussi, qui retrouve Mérogis et que Mérogis lui donne la main avec lequel l'autre d'Outel avait éborgné. Et puis il lui donne la main. D'ailleurs, on mentionne qu'elle avait été mise dans une petite boîte comme une relique. Ouais, en fait, elle est vraiment conservée. On la mentionne pas ici, mais juste avant, on disait qu'ils avaient gardé la main quand ils étaient en train de guérir Mérogis. Du coup, alors évidemment, le questionneur nous demande mais est-ce que Gauvin Cadrus est venu aussi? Et il est venu avec de nombreux hommes et 100 dames. ils voulu se battre. Très vite, ils se battent. Et là, un peu, là, comme s'il y en avait un peu marre, mais aussi parce que bah, c'est clair que c'est pas le but principal du récit. C'est pour ça que ça m'a fait penser à Naruto, en fait. Parce qu'à la fin, c'est vraiment. Bon, il faut bien qu'ils se battent à la fin, parce que c'est la rivalité du truc, c'est toute l'histoire est terminée. Donc, on a le duel entre bah, le protagoniste et son rival. Non, il dit littéralement que dire, leur combat fut assurément le plus téméraire que l'on eût jamais mené en champ clos, mais Mérogis finit par l'emporter sur Gorvin. C'est la description du combat, juste ça. Voilà. Et après, du coup, comme il l'a sa merci, il demande à Gorvin de renoncer à Escavalon et à Lidoine et de lui prêter fidélité et amitié et ils redeviennent amis et même ils deviennent compagnons et amis fidèles. Si Mérogis éprouvait l'amitié pour Gorvin, Gorvin manifesta à son égard encore plus d'autrefois et Mérogis possédait à présent tout ce qu'il souhaitait. Il y a le truc, c'est qu'il dit fais un serment sur les reliques que maintenant on est amis plutôt que je te coupe la tête, et comme il n'a pas d'autre issue il le fait. La version commune, c'est que le conte s'achève ici. Raoul de Houdenc, ou de Houdenc, je sais pas, je ne prononce pas très bien tout ça, les Houdenc memes. Mais il a entrepris ce livre sur ce sujet, l'abandonne ici. Si quelqu'un trouve davantage à dire, qu'il poursuive, car Raoul se tait maintenant. Il y a un manuscrit qui a une fin alternative, où les gens étaient peut-être un peu tristes pour Gorvin, et du coup, il y a Mérogis qui donne en mariage, je crois, l'ami Amis, comment elle s'appelait, l'ami qui hébergeait Lidoine. Amis, oui. Il y a un manuscrit où il la donne en mariage à... Gorvin, ce qui serait assez logique, effectivement. Ce serait assez logique, comme ça, ça fait un couple de plus. En même temps, il avait aussi cette coutume, justement, où il devait revenir marier des dames. Donc, s'il voulait, il aurait pu marier plein d'autres dames à Gorvin aussi. Mais disons, ça c'est probablement minoritaire, parce que c'est que dans un manuscrit, c'est probablement pas la fin d'origine. Mais quelqu'un s'est quand même dit, bon, c'est pas. Il y a cette fin aussi dans le code normal que certains éditeurs rejettent comme apocryphe, d'ailleurs, qui dit en fait un truc du genre, ouais, Raoul l'a signé, vous pourriez la signer aussi, éviter d'ajouter des histoires bêtes à cette histoire. D'ailleurs, si j'avais voulu, je l'aurais signé d'un autre nom parce que le mien est entaché de suspicion ou de... Il y a une espèce de notion que le nom de Raoul de Houdenc n'est pas associé avec de la très bonne littérature aussi, peut-être. Donc peut-être qu'il a des œuvres de jeunesse un peu compromettantes qui seraient à blâmer et que du coup, Mérogis reflèterait aussi un peu, disons, serait une amélioration mais qui serait quand même entachée de ce nom. C'est pas très clair si cette coda est d'origine ou non. Toujours est-il que ça se termine vraiment sur la résolution parfaite pour Mérogis. Et le roman, d'ailleurs, je trouve... disons, on se rend bien compte de ce qui est important ou pas, parce que finalement le combat final contre Gorvin, même si ça a été ce vers quoi le roman a tendu, c'est pas l'intéressant dans le livre, ce qui est vraiment cette structure assez ironique du changement de camp et des alliances de circonstances qui, de toute la deuxième partie du roman, que je trouve très très bien construite en fait. Mais il est très, c'est un livre qui est quand même, je trouve, honnêtement, je le trouve très drôle, l'ironie est vraiment sympa, il y a beaucoup de twists auxquels on s'attend pas forcément, le fait d'avoir Gauvin dans le rôle du chevalier prisonnier justement de la coutume, le fait d'avoir le travestissement et puis l'échappateur. Mais l'autre angle aussi du fait d'avoir les damoiselles qui jouent parfois un rôle un peu plus important dans celui-ci. Le comique à l'esplumeur de Merlin où les dames sont sur un promontoire et veulent pas lui dire. Le fait d'avoir cette espèce de côté très jeu vidéo, genre il y a trois routes devant toi, la route sans merci, la route sans raison et la route sans nom. Laquelle prendras-tu ? Puis il y a beaucoup de choses très originales dans Mérogis de Porlégué qui en font un livre franchement qui m'a surpris en bien. Qui est très bien construit aussi, vraiment. Il y a une logique interne qui marche bien, des successions qui sont assez cohérentes. Les portraits faits des personnages sont aussi pas trop stéréotypiques. Enfin, le Gorvin, par exemple, est un personnage intéressant parce qu'il est pas... Ouais, il est... On a tendance à avoir soit des chevaliers qui sont vraiment méchants, soit des chevaliers qui sont vraiment très bons. Puis on a que, qui est souvent un peu bête, mais fondamentalement gentil ou méchant, suivant comment. Mais là, ce personnage un peu ambigu qui profite de l'absence de son ami, qui va décider finalement à la Game of Thrones, comme tu le disais, de revenir sur le château de la dame. Où il avait... de prendre possession du château de la dame dès l'instant où il apprend que Mérogis est en vie. C'est vraiment très... Il a des côtés très ambigus comme ça qui sont assez intéressants. Donc je trouve que c'est une œuvre assez riche, effectivement, et peut-être, comme on va le voir, la Valence Raguidel n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur. Pourtant, c'est vraiment Mérogis qui est dans la tête des éditeurs, souvent l'œuvre de jeunesse. J'aime beaucoup la fin où il dit justement « N'ajoutez pas d'histoire stupide à cette histoire, c'est très Mérogis is my UC, do not steal », original caractère. Non, alors qu'il n'aura pas une postérité extrêmement grande. Il apparaît effectivement dans le Tristan prose, il apparaît dans le livre d'Arthus, comme on l'a mentionné, mais rarement dans ce rôle exact de ce chevalier amoureux de Lidoine. On peut retrouver pas mal d'Yvain peut-être dedans aussi. Il y a le côté comme je l'ai dit, de Cligès, ce chevalier un peu, il est très, c'est très chrétiennant, et franchement, vous auriez pu avoir imaginé cette histoire racontée par Chrétien aussi, hein, finalement. Ça s'aligne vraiment avec ses contes. C'est un peu plus complexe que Chrétien, parce qu'il y a quand même le fait d'avoir deux histoires parallèles, le fait qu'on passe perpétuellement de l'histoire de Lidoine à Mérogis. C'est plus dans l'idée des continuations, mais c'est marrant, c'est plus proche des continuations. C'est une version plus élaborée, plus synthétique, mais d'un côté qui est quand même pas aussi étalé que les continuations en prose. Donc on est vraiment dans cette lignée de ce qu'on a vu, hein, le chevalier à l'épée, on a vu peut-être plus encore Renaud de Beaujeu, en fait. Ouais, mais là, c'est assez plus similaire, je pense. Du coup, on va peut-être faire une petite pause musicale avant de passer à La Vengeance Raguidel, qui là est aussi honnêtement très sympa à lire, très drôle, et puis qui a beaucoup des qualités de Mérogis aussi. Mais vous allez avoir une grande impression de déjà vu si vous nous écoutez régulièrement, parce qu'on a beaucoup d'histoires là-dedans qu'on a déjà vu quelque part. D'ici là, dans le thème un peu, vous allez voir peut-être la chanson de Jodassin, qui est peut-être la plus arthurienne, enfin dont l'histoire peut être la plus arthurienne, je sais pas. On va écouter donc Siffler sur la colline de Jodassin. Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Oh, oh, oh, oh. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. C'était Siffler sur la colline de Joe Dassin. On est de retour dans Rex Condam, Rex Cui Futurus. On vous parle de l'œuvre arthurienne de Raoul de Houdenc. Et là, on va vous parler de La Vengeance Raguidel. Alors, suivant comment, peut-être une œuvre plus tardive, peut-être une œuvre. Pour moi, ça serait plutôt une œuvre de jeunesse. Il y a quelques arguments, parce qu'on verra, Mérogis est brièvement mentionné. Et puis, il y a quelques allusions qui ressemblent un peu à l'histoire du tournoi. Il y a quelques noms qui ressemblent un peu à l'histoire du tournoi de Lindsor. Mais Émilie Anglis intervient également, mais les 6 minutes ne sont pas suffisamment proches pour qu'à mon avis ce soit décisif. Et puis après tout, si on nous dit oui, mais en fait vous comprenez, il a mentionné, c'est nécessairement que Mérogis vient après, Merogis, disons, est nécessairement ne peut apparaître dans ce roman qu'après avoir été créé. Je veux dire, dans Eric et Enide, Chrétien mentionne bien Perceval, alors que Perceval n'apparaît dans aucun texte arthurien avant le conte du Graal autrement. Enfin, c'est le premier texte dont il est le protagoniste. Donc ça me semble être une justification un peu oiseuse, en fait, pour justifier le fait que Merogis soit l'œuvre de jeunesse et La Vengeance Traguidel l'œuvre de la maturité. D'autant que je ne suis pas sûr que La Vengeance Traguidel soit la meilleure œuvre de Raoul. Elle n'est pas aussi bien construite, même si elle a son intérêt, elle n'a pas aussi autant d'originalité. Moi, j'y verrais plutôt vraiment l'œuvre d'un poète qui apprend à construire un récit arthurien, en fait, qui prend des blocs et qui prend son autonomie petit à petit, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est assez clair. Il y a pas mal de choses. Il y a des traces de cette histoire qui sont clairement des morceaux assez anciens aussi, il faut dire. Par exemple, il y a le personnage de Hider qui intervient à la fin. On l'a un peu mentionné, Hider qui intervient dans Erek, qui est le méchant, enfin le vil chevalier qui insulte la reine et Eric au début de l'histoire. Il est sur le fronton de la cathédrale de Modène, donc on a une scène où on voit un certain chevalier Idir qui aide Arthur à... Donc c'est un personnage arthurien très ancien, puis là il est un peu une de ses reliques qui joue là-dedans, mais on a aussi un bout de la première continuation, on a un bout du chevalier à l'épée, on a un bout parallèle avec le père Lesvos, et puis très vite, si on regarde qu'est-ce qui est original dans cette œuvre, il n'y a plus grand-chose, en fait. Alors qu'effectivement, il y a aussi des trucs moins originaux dans Merogis, mais du coup, souvent, c'est des trucs qui seraient aussi plus tardifs. La Carole Enchantée, par exemple, ce serait plutôt le Lancelot en prose, donc là, un indice plutôt qui pencherait vers les années 1215-1220 pour une écriture plus tardive, alors que effectivement, La Vengeance Traguidel, souvent datée de la première décennie du XIIIe siècle. Toujours est-il que c'est une aventure de Gauvin, comme donc le bel inconnu, plus ou moins comme le bel inconnu, c'est plutôt le fils de Gauvin, mais toujours est-il, c'est comme le chevalier à l'épée aussi et la demoiselle à la mule. On retrouve aussi des éléments assez similaires là-dedans. Et c'est Gauvin qui en est le personnage central, mais c'est pas évident dès le début parce qu'on commence à Carlion, donc à la cour d'Arthur. Comme de coutume, donc comme dans le conte du Graal, il refuse de manger parce qu'il n'y a pas d'aventure qui s'est déroulée. Sauf que là, c'est pas toute la cour qui n'a pas le droit de manger, c'est lui seulement. Donc il laisse les autres manger, il invite les autres à manger. Gauvin dit non, mais on vous attendra. Puis il dit non, commencez à manger. Et lui, du coup, il est un peu fatigué. Du coup, il va se monter se coucher, mais il n'arrive pas à dormir. Alors, c'est pas seulement qu'il est fatigué, c'est qu'il dit Dieu m'a abandonné. Dieu m'a accordé d'avoir toujours des aventures qui démarreraient mon repas, mais là, il m'a abandonné. Et puis du coup, il se lamente. Et puis les autres sont là, manger les cires, puis là, non, je refuse. Il va dormir, et puis au milieu de la nuit, il n'arrive pas à dormir, il rejette ses couvertures, et il va à la fenêtre, et il voit, comme dans la première continuation de Perceval, il voit un bateau qui est conduit par personne, puis qui vient s'échouer sur la plage. Et le bateau a dans son, disons, dans son intérieur, un chariot, et sur lequel se trouve un chevalier mort étendu sur un bouclier. C'est vraiment, on dirait vraiment une tombe à chariot celte, en fait, la façon que ça décrit. C'est l'impression de trouver genre la dame de Vix ou un truc comme ça. Et il y a effectivement sur ce chariot un chevalier mort étendu sur son bouclier, et un grand tronçon de lance est fiché sur son corps, et au quatre droit de sa main droite, il y a 5 anneaux qu'Arthur essaie de retirer, mais qu'il n'arrive pas à retirer. Et à sa ceinture, il y a une aumônière dans laquelle se trouve une lettre. Alors Arthur trouve la lettre, mais il n'arrive pas à la lire. De nouveau, comme dans le lait du corps que je croyais les lettres. Dans le lait du corps, il y avait le fait que... Le chaplain qui vient... C'était le chaplain qui venait lire les lettres. Alors là, c'est pareil, il fait appeler son chaplain. Le chaplain fait lire les lettres. Elle dit que le chevalier a été tué injustement et qu'il a été envoyé vers le roi Arthur pour être vengé. Seul le chevalier qui parviendra à enlever le tronçon de la lance du corps pourra le venger. Donc un élément, de nouveau, comme Excalibur, comme le tirage de l'épée aussi dans le Lancelot Graal. Hein. Il faudrait que ce soit avec le tronçon même avec lequel il a été tué. Il faudra qu'il soit aidé par le chevalier qui sera capable de retirer les anneaux des doigts du chevalier. Alors Arthur vient avec tous ses chevaliers dans la nef, et que Bliobéris, Lancelot, Tristan, tous les chevaliers de la table ronde essayent d'enlever le tronçon de la lance en tirant comme des malades. Le récit nous dit qu'ils tirent comme des fous, mais aucun n'arrive à l'enlever. Et les gens sont même étonnés que Lancelot y arrive pas, parce que d'habitude c'est Lancelot qui réussit tous ces trucs. Et Gauvin en dernier tente l'épreuve, et pour le coup lui il fait pas le bourrin, il tire doucement et il l'enlève sans difficulté. Par contre, lui n'arrive pas non plus à enlever les anneaux des doigts, assez logiquement, il doit être aidé par nos chevaliers. Alors le roi donne l'ordre qu'on sorte le char de la nef et qu'on le mette en pleine voie au bord de la route, pour que tous les passants puissent essayer d'enlever les anneaux. Et je trouve ça, honnêtement, c'est assez sinistre, parce que quand Arthur voit ce cadavre dans la nuit, il voit le cadavre sur le char dans le bateau, il dit « Dieu a envoyé une aventure dont ma cour sera contente, contente et joyeuse. Alors, dit-il à voleur Vaubat, et moi aussi, j'ai de bonnes raisons de l'être. Donc, immédiatement, c'est un cadavre. Super, chouette. Yes, un mort. Sweet loot. Et puis, il arrive à la cour, tout le monde est inquiet, parce que justement, il n'est pas dans son lit, donc ils ne savent pas où il est passé. Et il dit, réjouissez-vous, laissez votre chagrin, écoutez une nouvelle très présente. Là dehors, il y a un navire, le plus beau que j'ai jamais vu, et il y a un chevalier sur son bouclier tué. Et tout le monde est là, genre, ce type a été tué très heureusement. Excellente nouvelle. C'est tout à fait ça, je me suis dit la même réflexion. J'aime beaucoup le fait que les anneaux, il y a ces 5 anneaux à la main du cadavre, et Arthur essaye immédiatement de les enlever avant même d'avoir lu la lettre. Et ensuite il dit, on va le mettre au bord de la route, il n'y a même pas besoin de mettre un écriteau ou de dire qu'il faut essayer de les enlever, parce que tout le monde va essayer d'enlever les anneaux de ce cadavre. Genre tout le monde, premier réflexe en voyant un mort avec des bagues, on essaie de le cadavre, ouais, effectivement. Alors pendant ce temps, le roi et ses compagnons sont sur la table, et on nous décrit, ça c'est une scène que je trouve franchement extraordinaire, parce qu'elle n'est pas très courante. Ça m'a fait penser, tu sais à quoi ça m'a fait penser? À la scène backstage à Camelot dans Excalibur, où tu vois Perceval en train de faire les chansons. Ouais. Et ben là, il est pendant qu'il sert à manger, il y a un serviteur qui regarde un moment par la fenêtre, et il voit par hasard, en fait, parce qu'en fait, il est allé chercher à la cuisine, parce que le roi lui a demandé de faire expédier l'entremets plus vite. C'est vraiment très, très mondain. Il ne veut pas perdre son temps à rester assis là toute la journée maintenant que le repas est arrivé. Et donc, le serviteur se rend vers la cuisine. Mais au moment où il arrive dans la cuisine, la fumée et la chaleur le frappent en plein visage. Mm-hmm. Donc, il a un petit choc. Et puisqu'il ne peut pas supporter la fumée, il met sa tête à la fenêtre pour avoir un peu d'air frais. Mm-hmm. Et c'est là qu'il voit un chevalier très beau et élégant qui avait ôté au chevalier mort tous ses anneaux et qui part. Et là, en courant, il va prévenir le roi, sauf que sur le chemin, il tombe sur queue. Et que lui dit, j'ai vu un prodige, seigneur, le chevalier du char n'a plus aucun anneau, ce chevalier en armes que vous voyez là-bas sur le cheval Gascon, Raoul Daudan, dans l'Avance Tragédelle, adore préciser l'origine des chevaux. Ouais. T'as le cheval Gascon, le cheval de pure race germanique, tout ça. Sénéchal, entend ça et tabasse le valet. Il se met à lui cogner dessus et lui dit, tu ne parleras ça à personne, quoi. Enfin... Surtout pas au roi. Et va donc s'équiper et partir à la poursuite de l'autre chevalier, parce qu'il se dit, non, c'est moi qui suis assez vaillant, donc je vais accomplir la vengeance, je vais lui faucher ses anneaux, quoi. Sans en parler à personne. Et en chemin, il tombe sur un chevalier en train de se faire tabasser par un autre, plus ou moins, et il le prend sous sa protection. Il dit, attendez, chevalier, arrêtez de frapper ce gars, je le prends sous ma protection. Puis je lui dis, ah bon, tu vas faire quoi? Puis il me dit, puis du coup, il tue le chevalier, donc vraiment là, un peu dans la merde. Et donc, du coup, il s'engage en joute contre le chevalier qui a tué l'autre, et est grièvement blessé. Et du coup, la nouvelle parvient au roi. Le serviteur qui est frappé par queue arrive au roi, il se plaint du sénéchal, il lui fait le récit exactement de ce qui s'est passé. Le roi est extrêmement contrarié et sursaute. Puis ensuite, il y a un autre serviteur qui a vu queue tomber et puis être blessé et laissé un peu pour mort, et gravement blessé. Il est accablé et déshonoré, car celui qui a combattu contre lui a tué un homme qu'il avait arrêté et pris sous sa protection. Donc là, en prenant cet homme sous sa protection et en laissant se faire tuer, a commis une faute. Le roi fait alors deux fois plus en colère, il ordonne à ses serviteurs d'aller chercher le sénéchal, qu'il ne mette pas sur un cheval mais le ramène à pied à une cadence rapide. Il le ramène à la cour, mais à force de le rudoyer, il lui inflige un fort mauvais traitement, et ensuite il est jeté en prison. Oui, j'adore le fait qu'il le trimballe dans une civière ou un truc comme ça, puis il le blesse en plus. Et je crois que c'est à peu près la dernière intervention de queue dans le récit, parce que... Peut-être que queue est mort, on sait pas. Oui, oui, et puis ce que je trouve rigolo, c'est que dans le même temps, le chevalier qui a battu queue, je crois pas qu'il réintervienne d'ici la fin du récit. Non, en fait, il intervient pas, et c'est juste ce qui empêche queue de retrouver Ider. C'est juste un truc qui vient s'interposer entre lui, mais il revient pas. Enfin, c'est un peu ce que j'ai pas compris. Ou alors est-ce que c'est sous-entendu que c'est Ider, mais je crois pas, parce que c'est un chevalier plutôt déshonorable, et puis il est à pas... moins que ce soit un des autres chevaliers maléfiques qui soit dans l'affaire, mais enfin franchement là. Mais en tout cas, il le reconnaît pas, puis il a pas son cheval gascon. Ouais. Autre, donc ça semble assez clair que ça n'a pas un grand rapport avec. Peut-être que c'est juste une façon d'humilier queue encore plus, et que l'auteur n'aime vraiment pas queue. Mais du coup, Arthur dit, bon, on va arrêter de ces bêtises. On a envoyé plutôt qu'envoyer queue, on va envoyer Gauvin. Vous allez y aller, mon neveu. Puis Gauvin est là, d'accord, tout de suite. Et il part, mais il oublie la lance qu'il devait utiliser pour accomplir la vengeance Tragidel. Donc c'est un peu la manière qu'on a d'ouvrir l'histoire, c'est que la vengeance va pas être accomplie tout de suite. Il y a plusieurs histoires qui vont s'insérer, puis à la fin, on va revenir. Gauvin va devoir récupérer la lance pour aller accomplir cette vengeance. Alors il part à l'aventure. Il rencontre un vacher qui ressemble un peu au vacher d'ailleurs, au géant lait de Yvain, qui le conduit en fait au château du Noir Chevalier. Et le Noir Chevalier a une coutume un peu étrange, il tranche la tête des chevaliers à qui il offre l'hospitalité. Alors, il met les casques sur un, enfin, met les têtes sur des pics. Un peu comme dans Erec où il y avait. Erec, exactement. Et en fait, donc Gauvin arrive, il tombe dans le château du Noir Chevalier. Il y a une grande salle, la table est mise, elle est chargée de victuailles. Il mange. Des chevaliers arrivent, lui apportent d'autres mets, donc il continue à manger. Et puis là, le Noir Chevalier arrive à cheval, puis il dit ah, vous avez mangé sans mon autorisation. Puis bah, il ne sera pas gratuit sur pas que vous avez pris sans mon autorisation. C'est un peu littéralement, le, ouais. C'est un peu la Belle et la Bête, tu sais, le château, oui, avec oui, le festin. Et puis ah non tu. Et puis justement, il éloigne, il pousse un peu Gringalet de côté, donc du coup Gauvin doit combattre à pied. Et le cheval, j'aime beaucoup le déroulement du combat où il dit j'accepte la bataille, mais laissez-moi seulement manger 3 morceaux de pain et à la fin du repas nous combattrons ensemble. Et il le lui accorde, mais pendant ce temps justement il essaie d'écarter Gringalet pour qu'il puisse pas l'utiliser pendant le combat. Puis en plus Gauvin du coup met les morceaux de pain dans sa bouche sans les avaler. En fait. Il a un morceau de pain dans la bouche puis renverse une table pour s'en servir comme une barricade. Et du coup, c'est assez comique. Il le fait point de se battre. Ils se battent, mais Gauvin n'est pas très content de devoir se battre à pied, donc il arrive à tuer immédiatement le cheval du Noir Chevalier sous lui. Donc du coup, le Noir Chevalier prend Gringalet pour se lancer contre lui, puis il dit « Ah, vous allez vous tuer votre propre cheval !» Puis Gauvin ne veut pas tuer Gringalet, mais il se dit « Bon, mais je suis un peu obligé de tuer Gringalet pour me sauver moi-même, ça ne serait pas terrible de le laisser vivre juste pour mourir. » Et du coup, il y a un marché qui est fait. Il lui promet sa monture si il le bat en combattant à pied, en fait. Et du coup, la solution est honorable pour le Noir Chevalier, parce que c'est quand même pas très honorable de se battre à cheval contre quelqu'un qui est à pied, même si Gauvin est si compétent. Il parvient, Gauvin, à triompher sur le Noir Chevalier, et celui-ci doit lui expliquer pourquoi, en fait, il tranche la tête des gens à qui il offre l'hospitalité. Et l'explication, c'est qu'en fait, il était épris de la dame de Godestrouette, qui habite pas loin. Elle lui avait accordé son amour, mais pendant un tournoi, Gauvin l'avait désarçonné, en fait, ce chevalier. Et du coup, la jeune fille est tombée follement amoureuse de Gauvin et voulait épouser Gauvin. Sauf que Gauvin a disparu direct à la fin du tournoi, sans répondre à la jeune fille, à la dame de Godestrouette, et sans jamais donner de nouvelles. Et du coup, le Noir Chevalier est détesté par la jeune fille, mais il est toujours amoureux d'elle. Et il se dit que s'il parvenait à tuer Gauvin, elle lui serait reconnaissante, parce qu'elle est un peu fâchée contre Gauvin quand même, parce qu'elle a été humiliée par son indifférence. Mais du coup, il sait pas que c'est Gauvin, parce que Gauvin s'est pas encore présenté. Et parce que Gauvin, quand il l'a battu, en fait, Gauvin n'avait pas son visage ouvert, ils étaient dans le tournoi, donc ils avaient son robe. Donc du coup, dès qu'il y a un chevalier chez lui, il le tue, juste si c'est Gauvin, comme ça il l'aura tué, quoi. Juste par hasard, un peu. Et du coup, il demande grâce à Gauvin et il s'engage à ne plus tuer personne, à devenir son vassal. Gauvin n'a pas révélé son identité, il sait toujours pas que c'est Gauvin. Il accepte la proposition du chevalier et lui laisse sa vie sauve. C'est un élément qui va revenir, c'est comme dans, d'ailleurs, chez Chrétien, Gauvin ne dit pas son nom, mais... quand on lui demande, il doit le dire. Il doit le dire. Mais du coup, quand ça résout des trucs, il me dit « Ah, mais c'était vous, Gauvin ?» Puis il dit « Bah oui, ça, j'ai jamais dit que j'étais pas Gauvin. » C'était ce qui est vrai avec la jeune fille aux courtes manches dans la deuxième partie du Conte du Graal. Il y a un livre, je sais plus qui l'a écrit, ou un article sur Gauvin qui s'appelle « L'idole inconnue », puis qui parle justement de ce rapport ambigu où tout le monde connaît Gauvin, mais les gens ne le reconnaissent pas. Puis c'est vraiment un des traits de Gauvin. Bah, justement, dans les continuations, on avait vu aussi une dame qui était amoureuse de lui, avec un portrait de lui, mais qui ne le reconnaît. Enfin, il y avait cette espèce d'ambiguïté chez Gauvin qui est adulé par tout le monde. Ce qui est ironique, c'est que c'est exploité par exemple par Raoul dans Mérogis, parce que Mérogis se bat contre le chevalier de la dame sur l'île de la cité sans nom. Et au début, on ne sait pas que c'est Gauvin, parce que rien ne nous l'a dit. Et alors, on peut peut-être comprendre que ça devrait être logiquement Gauvin, vu que c'est la personne qui cherche, puis c'est par ça. Mais il n'y a rien qui l'indique, jusqu'à ce qu'on nous dise ce chevalier. Le chevalier se met à se battre contre lui plus fortement, parce qu'on n'a pas précisé quand on a parlé de Mérogis. Il gagne en puissance à midi, au mesure que le soleil. Et puis là, c'est censé être un indice, parce que c'est connu, c'est quelque chose de Gauvin, en fait. C'est dit à moitié explicitement, hein, quand il le dit. Parle du cycle, puis c'est vrai que je l'ai relevé, puis je l'ai dit, C'est comme Gauvin, et puis en fait, c'était Gauvin. Là, de nouveau, Gauvin et l'identité de Gauvin est cachée. Et il veut quitter le château pour aller venger le chevalier de la Nef. Il est accompagné par le Noir Chevalier. Sauf que en chemin, il tombe sur des chasseurs qui appartiennent à la dame de Godestrouette et qui tuent un cerf blanc qui appartient au Noir Chevalier. Et en fait, le Noir Chevalier devient fou. Il veut les tuer, mais Gauvin calme le jeu et il lui fait promettre de pas tuer qui que ce soit. Il sauve les chasseurs et le Noir Chevalier s'en retourne chez lui et Gauvin accepte l'invitation des chasseurs et d'aller chez la dame de Godestrouette parce qu'il les a sauvés, en fait. Et en fait, elle lui dit. Plus ou moins cache que. Alors elle apprend qu'il est un chevalier, qu'il est de la table ronde, je sais pas si c'est explicitement dit, mais en tout cas elle lui dit en fait je cherche à retenir Gauvin chez moi, donc j'ai pris en otage son frère Gariette. Puis il est là, mon frère Gariette, puis là, ah bon ? Puis en fait il se rappelle, ah mais mon frère Gariette avait disparu, c'est vrai ? C'est assez courant, chez Raoul il y a ce côté très courant où les gens oublient que quelqu'un a porté disparu, ou ils oublient un truc important. Enfin là en l'occurrence c'est pas oublié, c'est juste que c'était dans le background, on ne l'avait pas dit juste avant, ça aurait été intéressant que ce soit mentionné, tous les chevaliers essayèrent sauf Gariette qui avait mystérieusement disparu de la cour. Mystérieusement. Ça aurait été assez logique. Mais enfin, en l'occurrence, là... Ce qu'ils vont faire pour que Gauvin soit incognito, mais qu'il n'ait pas à mentir sur son identité, c'est qu'il y a une servante qui le reconnaît, parce qu'elle l'a apparemment déjà vu à la cour, et elle lui dit... Qu'elle, elle a grandi à la cour d'Arthur, en fait. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, monseigneur. Si on sait que c'est vous, vous êtes dans de beaux draps. Donc, quand vous arriverez, je vous dirai bonjour, monseigneur Queux. Et les gens penseront que vous êtes Queux, et vous n'aurez pas à vous... Vous n'aurez pas à mentir, mais les gens comme ça vous demanderont pas qui vous êtes. Et la gamme de Godestrin ne l'a jamais non plus vue sans son homme, donc elle pense qu'il est que. Donc il y a cette scène très drôle où elle doit. Vous êtes sûr que c'est Queux, c'est lui? Parce qu'on nous a dit que t'es un mauvais chevalier. Ceci pour renforcer l'humiliation de Queux de tout le récit. Puis il dit oui, mais non, c'est bien Queux, c'est bien Queux, c'est bien lui, c'est le, ce chevalier qui a sauvé vos chasseurs. Donc, et pendant ce temps, la dame, donc du coup, le fait faire le tour, elle lui dit ah voilà, je retiens Gaëria de prisonnier parce que je veux le faire venir. Elle lui montre dans sa chapelle un instrument un peu comme la fenêtre à décapiter Lancelot qu'on avait dans le Père Lesvos. C'est exactement la même chose, c'est une espèce de relique qui sont dans un très bel ouvroir en ivoire, en or, etc. Puis on peut les regarder à travers une fenêtre, puis elle fait « Regardez, regardez !» Puis là, vous voyez, une arbalète, un mécanisme qui fait que quand on clique, la fenêtre a une lame de rasoir au haut, puis elle tombe, et puis elle dit comme ça « Je vais décapiter Gauvin. » Et puis elle montre la tombe dans laquelle elle veut retenir Gauvin, parce qu'elle lui raconte l'histoire, donc l'humiliation qu'elle a eue. Et elle veut donc avoir Gauvin, l'attirer ici grâce à Gaëriette, lui faire regarder dans le truc, et lui regarde. Puis regardant, il voit la lame de rasoir, puis elle dit « Vous voyez, si je fais tomber cette lame de rasoir, vous seriez décapité. » Et c'est ce que je veux faire à Gauvin, donc c'est l'ironie dramatique. Le discours est un peu ironique parce qu'il y a plusieurs moments où Gauvin laisse échapper, où il parle de, on parle de Gauvin, puis il parle de Gauvin à la première personne. Il dit « Ah, oh, mais vous m'en voulez donc vraiment ?» Et puis apparemment, elle ne relève pas qu'il parle à la première personne alors qu'il est en fait en train de se trahir. Quoi. Ouais. C'est peut-être un artefact de la traduction en vieux français qui... Le vieux français est peut-être plus ambigu que le mot français contemporain pour ça. Et ce qui est rigolo, donc, du coup, c'est qu'elle lui explique que... Enfin, c'est pas très rigolo en fait, mais elle lui montre la tombe qu'elle a réservée pour Gauvin. Elle dit « Voilà, le but c'est que je le tue et après je me tue moi-même. » Et du coup, on est enterré les deux côte à côte dans cette tombe. Gauvin dit « Mais si Gauvin... Gauvin mais purement hypothétiquement. Si Gauvin se présentait chez vous et qu'il accomplissait vos désirs et qu'il devenait votre ami et qu'il vous comblait et qu'il vous était fidèle. » Puis elle dit « Mais je sais très bien que Gauvin... Si, même s'il vient ici puis qu'il me fait des promesses et tout, je sais très bien à quoi m'en tenir maintenant. Une fois qu'il partira du château, il trouvera la fille d'un baron ou la fille d'un comte ou la fille d'un roi qui est plus belle que moi et puis il ira fricoter avec. Donc non, je... Qui donc voit, elle a un peu genre... Fais un point. Et du coup, par contre, elle veut lui... Elle est très fourbe. Elle est assez sadique, comme ça dit. Ouais. Puis regardez, je vais vous montrer où je retiens Gaëriette. Je vais vous montrer comment on le torture. Puis il y a Gauvin qui est là. Mais puis, en fait, Gauvin dit basiquement, ça sert à rien parce que je pourrais pas le libérer. Et puis surtout, il dit, il a peur que Gaëriette réagisse. En fait, on le voyant, puis il dit ah, mon frère, puis de se trahir. Il lui dit non, mais j'ai pas envie. Par contre, il va vers Mao, donc la servante qui l'a reconnue au début. Puis elle en a un peu marre de la dame parce qu'elle se dit bon, elle est quand même un peu pas très gentille, cette dame. Et donc, elle va l'aider à s'échapper avec Gaëriette. Donc, elle lui explique que Gaëriette va être sortie le matin de sa prison pour aller être fouettée quelque part parce que la dame veut le montrer. Donc, en sortant de la messe, après, il dit bon, je vais aller sortir maintenant, je vais partir vite fait. Puis, en attendant hors des murs, il va récupérer Gaëriette. Il va en fait. Parce que oui, il le sort apparemment toutes les semaines pour le fouetter. Ouais, mais en plein air ce coup-ci. En plein air. Et puis, du coup, il va voir Gaëriette. On lui dit qu'il est jaune, qu'il a le teint dégueulasse, qu'il a des plaies sur le dos, qu'il a que la peau sur les os. Vraiment, il est maigre. Il est vraiment maltraité. Et du coup, il arrive à disons, mettre à bas ces trois geôliers. Ouais, il en décapite un, il en tranche un bras à un autre, et puis il blesse le troisième, donc ils arrivent à s'échapper. Par contre, du coup, en gisant à terre, ils sont à portée de vue, la dame voit ce qui se passe, mais pourquoi le chevalier est en train de libérer Gaëriette. Et il est obligé de dire aux hommes, en fait, que, parce qu'il lui demande, mais qui êtes-vous, qui nous avez battu? Puis du coup, il est obligé de dire, bah, je suis Gauvin. Ça me fait beaucoup penser à la scène de révélation finale de la belle Hélène, quand le Paris, qui s'est passé pour le devin, le grand prophète de Vénus, doit y révéler qu'il est, révèle en criant, partant en bateau avec Hélène, que c'est lui Paris et qu'il a emporté Hélène. Donc il dit bah, je suis Gauvin. Et du coup Mao qui dit bon c'est pas terrible si je reste là, parce que du coup bah, sa maîtresse va se rendre compte qu'elle lui a menti et qu'elle lui a fait croire que c'était que, donc elle s'échappe. Et Gauvin et Gaëriette partent en courant. Ouais, il prend Gaëriette, il le met sur le col de son cheval et ils vont immédiatement chez le chevalier noir se réfugier. Le chevalier noir qui va révéler son nom, il s'appelle Maduc le Noir en fait. D'ailleurs, la scène où il révèle son nom est très drôle. Il dit au fait bon, je vous ai prêté serment de vassalité, mais ça aurait peut-être été une bonne idée que je sache qui vous êtes. Ah, je suis Gauvin. Ah, c'est vous Gauvin. Oui, et vous êtes, je suis Maduc le Noir. Ben enchanté, ben enchanté. Mais par contre, du coup, la dame de Godestrade, qui est un peu furieuse, furibarde contre Gauvin, vient mettre le siège devant la forteresse. Et donc, il y a tout un assaut. Maduc, Gauvin et ses compagnons, et même Gaëriette, je crois, qui est un peu rétabli, opposent résistante. Mais Madux dit bon, mais comment on va pas tenir très longtemps, vous devriez partir avec, avec Garriott pour aller chercher de l'aide à la cour d'Arthur. Alors, ils vont pas tenir très longtemps parce que c'est un château apparemment un peu délabré, parce que immédiatement la dame de Gaulès 3 trouve un bout du mur qui est en train de s'effondrer et ils sont en train de faire un trou. Et puis il y a justement Madux qui dit ah bah c'est marrant parce que mon château va me plaire encore plus maintenant, il a deux portes parce qu'ils ont réussi à faire un trou dans les murs. Donc il propose à Gauvin et Garriott de s'enfuir. Gauvin d'abord refuse parce qu'il dit ce serait déshonorable de m'enfuir comme un voleur et puis de vous laisser vous faire massacrer à ma place. Mais ils finissent par partir à la cour d'Arthur pour avoir de l'aide. Et pour récupérer aussi le tronçon, parce qu'il s'est souvenu. Ce qui le motive à partir, c'est le fait qu'il s'est souvenu d'un coup. Ah merde, en fait, j'ai oublié le tronçon. J'ai oublié le tronçon, puis la quête. Donc, du coup, ils partent en faisant une sortie avec Madux pour leur laisser une opportunité. Et ils partent avec Garriott. Et en chemin, ils entendent une jeune femme qui est en train de crier. Elle est maltraitée par un chevalier qui la traîne par les cheveux à cheval. Oui, il la traîne par les cheveux, puis il lui donne des coups avec son gant, avec un gant de fer, en fait. Donc, il est équipé en armure, puis il est en train vraiment de la cogner dessus. Et alors, ils entendent cette jeune femme. Et en fait, ce chevalier qui s'appelle Lycoridon a été appelé par la dame de Gaudes III pour la rejoindre au siège. Et il est étonné de voir que Gauvin a réussi à s'échapper. Il abandonne la jeune femme qui s'appelle Idaine, mm-hmm. à Gauvin. Et elle déclare immédiatement son amour à Gauvin, qui tombe instantanément amoureux d'elle en chevauchant. Il tombe fou amoureux d'elle. C'est vraiment la description. Et on dit bien, il tombe bien plus amoureux d'elle qu'elle de lui. Et puis, dès le début, il rejoint le château d'où elle vient, qui s'appelle le château de Longarde. Je remarque juste un truc, c'est qu'au moment où Gauvin veut la libérer, donc il défie le chevalier qui est en train de la tabasser, puis il dit je vais me battre contre vous, puis Garriott dit mais on n'a pas que ça à foutre, arrêtez ça, c'est pas notre affaire, occupez-vous de vos affaires. Et puis le chevalier Lycoridon est accompagné par un autre chevalier qui dit ah ouais, bon, battez-vous, mais moi je vous défendrai pas. Donc Lycoridon et Gauvin sont les deux accompagnés par un autre chevalier qui n'a rien à foutre de leurs affaires. Puis Gauvin réussit quand même à gagner. Mais... Du coup, elle accueille bien les deux frères dans son château. Elle confie une jolie demoiselle à Garriott, dont on dit qu'ils passent une bonne nuit ensemble. Et effectivement, Gauvin est comblé par toutes les joies de l'amour pendant la nuit. Donc voilà, hein. C'est assez explicite. Pendant ce temps, Lycoridon rejoint la dame de Gaudes III, lui annonce que Gauvin s'est échappé du château qu'elle assiège, donc c'est pas très utile de continuer à assiéger le château. Du coup, vu qu'elle craint qu'il y ait en plus du renfort qui arrive, elle s'en va avec son armée et elle rejoint son château à elle. Dans l'intervalle, Gauvin, Idain et Garriott quittent le château de Langarde. Idain prend avec elle deux évriers qui lui appartiennent, puis un épervier, et se retourne vers Carduel. Et Gauvin tombe de plus en plus amoureux en fait, d'Idain à force qu'ils chevauchent ensemble. Et à un carrefour, ils sont rejoints par un messager de Madux qui leur dit que en fait, le siège a été levé, donc du coup, qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher du secours pour Madux. Donc tout va bien. Mais Gauvin dit, je dois quand même aller chercher la lance pour venger Raguidel. Enfin, voilà. On ne sait pas encore qui s'appelle Raguidel, mais pour accomplir cette vengeance. Et il rencontre en chemin un serviteur qui arrive de Rwellent, où se trouve la cour à ce moment-là, où ils sont là depuis 15 jours, et il raconte une curieuse aventure qui a mis toute la cour en émoi. Et c'est là que je trouve l'élément ironique, vous allez le reconnaître. En fait, il y a un manteau qui est arrivé à la cour et il raccourcissait quand la femme qui le revêtait n'était pas fidèle. Donc c'est évidemment l'histoire du lait du Courmantel. Et toutes les femmes ont évidemment été victimes de ça, sauf l'ami de Caraduel Brièvebras ou Caradoc Brièvebras. Et Gauvin regrette qu'Iden n'ait pas pu se soumettre à l'épreuve alors qu'il est tant sûr de sa loyauté. Alors vous vous souvenez, dans le lait du Mantel, effectivement, l'ami de Gauvin était quand même soumise. Là, c'est donc une version différente, mais simplement. Du coup, comme il n'est pas là, il n'a pas pu tester sa fidélité, et puis ça va lui jouer des tours. Et en fait, c'est une allusion. C'est comme ça, ça doit être une allusion qui veut faire reconnaître bah oui, je connais cette histoire-là. Sauf que là, l'indication, c'est que, ben, vu qu'on sait que c'est toujours la femme de Caraduel ou Caradoc Brièvebras qui est trop fidèle, ça veut dire qu'elle non plus, Iden, ne doit pas être si fidèle que ça. Ils arrivent à Rwellent après le dimanche de la Pentecôte, une semaine après, et ils sont accueillis. Arthur demande est-ce que le chevalier de la nef est vengé, puis il dit en fait j'ai oublié le tronçon, c'est la reine qui l'a. Et alors que est quand même encore en vie, il se moque un peu de la queue, un peu sa vengeance, parce qu'il se moque de son amour pour Idain, puis il se moque un peu du fait qu'il a oublié le truc. Et pendant tout le repas, on nous dit que tout le monde craint un peu les injures et les remarques un peu mauvaises du sénéchal, qui doit être un peu fâché parce que on nous dit explicitement que son ami s'est aussi fait humilier par lui. On nous dit qu'il est très méchant, mais que les gens réagissent différemment. Il y a des gens qui essaient de flatter que, des gens qui répliquent, des gens qui lui tapent dessus quand il leur tape dessus, mais tout le monde est un peu craint le bully que. Il y a un autre chevalier qui débarque à la cour, qui demande quelque chose à la cour. Il s'appelle apparemment Druidin, donc clairement une survivance celtique des druides, le Drus, le chêne. Mais donc il débarque à la cour et il demande Arthur, tout le monde dit que tu es très généreux, j'aimerais te demander une faveur. La cour d'Arthur qui n'apprend jamais, parce qu'il demande littéralement toujours la même chose. Comme on l'a vu dans le Tristan en prose, quand quelqu'un demande une faveur, ça va chaque fois être « je veux kidnapper cette femme ». Ça va être une femme différente, mais ça va toujours être ça qu'il demande. Et effectivement, c'est ce qu'il demande. Il demande Idain, Alors Arthur l'a accepté, il a donné son chèque en blanc généreux, oui je t'accorde une faveur. Et en fait Druidin dit, elle est mienne parce que mon nom c'est Druidin, donc littéralement l'ami d'Idin, ou celui qui doit avoir Idin. Et on nous précise que c'est un bossu un peu laid, enfin il a les jambes normales, il chevauche très bien, mais il a le torse extrêmement court, bossu, il est un mal proportionné. Ouais. Donc de nouveau il a été prédit en fait parce qu'il y a un oracle d'un lion d'airain, donc selon l'éditeur. Un lion de bronze, donc ce serait une statue qui lui a prédit qu'il serait l'ami de Idin. Moi j'étais un peu triste, est-ce que j'ai raté quelque chose dans l'histoire? Mais apparemment non, c'est l'interprétation juste, il dit un lion d'airain. Et en fait il lui dit, ils font point finalement, non, on va se retrouver dans un mois à la cour du roi Bain de Magu pour régler cette affaire. Et pendant ce temps que Smok, à nouveau de Gauvin, lui dit, bientôt vous serez humilié. Donc dès le lendemain, Gauvin, emportant le tronçon de lance, quitte la cour avec Idin, et en chemin, il voit à un moment donné un chevalier qui est en train de uriner contre une haie. Je sais pas comment c'était, le cheval ou le chevalier en fait. Je crois que c'est le chevalier qui est en train d'uriner contre une haie, et puis on dit... Oui, c'est ça, c'est le chevalier qui est en train d'uriner contre une haie, et puis on nous dit, Idin a regardé, je crois qu'elle a vu son caleçon. Donc elle voit qu'il a un énorme pénis, puis elle est là, genre c'est bon, c'est la blague, c'est littéralement la blague. C'est la blague, elle le voit en train de pisser, puis donc elle va être. Parce que le chevalier va lui demander en fait, donnez-moi votre compagne. Elle va demander Idin. Gauvin dit, c'est n'importe quoi, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé Idin, je peux pas faire ça. Puis le chevalier dit, alors mettez-la entre nous deux, et puis elle choisira de quel côté elle veut aller, ce qui se passe dans le chevalier à l'épée. Et puis Gauvin dit, faisons ça. Puis là, Idin se vexe, puis elle dit, mais si vous m'aimiez vraiment, vous m'auriez jamais mis en jeu comme ça, en fait. Vous m'auriez jamais laissé cette alternative-là. Et donc elle part vers l'autre chevalier. Gauvin s'arrache les cheveux. Parce qu'en plus, il s'est engagé à présenter au roi Bain de Magu. Il y a le problème qu'elle le trahit, puis il se dit, que avait raison, ces femmes, toutes les mêmes. Mais il a aussi le problème qu'il s'est engagé à l'amener à la cour de Bain de Magu, puis maintenant, il peut pas le faire, donc est-ce qu'il devrait la reprendre de force? Ce qui serait revenir contre sa parole, mais qui lui permettrait d'accomplir son premier serpent, ou bien est-ce qu'il devrait la laisser partir? Puis finalement. Ils partent, donc. Puis la dame réclame ses chiens, parce qu'elle dit il a toujours mes lévriers, donc je les voudrais. Le chevalier revient embêter Gauvin, donc comme dans le chevalier à l'épée. Mais là, Gauvin, au lieu de dire on va mettre les chiens au milieu du chemin, puis qu'ils reviennent vers. Dans le chevalier à l'épée, il laissait les chiens entre eux deux, puis les chiens revenaient vers lui, puis donc il y avait le message misogyne, les chiens sont fidèles, puis les femmes pas. Mais là, pas du tout, il s'énerve, il bute le mec, et puis il récupère Idin, puis Idin dit c'était un stratagème de ma part. Je voulais tester si vous m'aimiez vraiment et si vous étiez suffisamment vaillant, puis je constate que ça allait bien. C'est mon plan depuis le début, puis Gauvin là, oui, c'est bon, d'accord. Oui, Gauvin était Redfield, du coup. D'accord, oui. Du coup, on a été Redfield par l'incel Kay. Mais du coup, il a son. Il y a le truc où elle dit oui, en fait, je savais très bien que vous le battriez, puis c'est pour ça que je l'ai envoyé chercher mes chiens. Donc elle essaie d'argumenter, d'avoir une déniabilité plausible, mais Gauvin n'y croit pas plus que ça. Et d'ailleurs, quand il arrive à la cour du roi Bain de Magu et qu'il se bat contre Druidin, évidemment, il bat Druidin, mais il accepte de lui laisser Idin parce qu'il se dit elle m'a apporté que des embêtes, merde en gros. Et il lui remarque quand même attention quand même à ce que vous ne croyez pas tout ce qu'elle vous dise, parce que. Elle est un peu experte pour ce genre de trucs. Du coup, en chemin, il quitte le château de Bain de Magu et en chevauchant, il tombe au pied d'une falaise dans une espèce de petite crique sur la nef en fait dans laquelle le chevalier tué avait été apporté à la cour d'Arthur. Donc ça ressemble un peu à Guillaumard en fait, où il y a ces nefs mystérieuses qui apparaissent comme ça. Alors il entre dans le navire, amène son cheval avec, enlève la passerelle qui permettait d'y accéder et le navire part tout seul, donc toujours comme dans Guillaumard. Il arrive en Écosse, en sortant du bateau, il chevauche dans un pays désert, il se dirige vers un château. Et il tombe sur une jeune fille qui est accompagnée par un nain bossu et elle porte tous ses vêtements à l'envers. Ça, c'était quelque chose qu'on trouvait dans une des continuations, je crois, de celle de Manessier ou de Montreuil, je sais plus. Il y a une des continuations où il y avait une jeune fille avec qui porte des vêtements. Alors, le fait de porter des vêtements à l'envers ou de porter son bouclier à l'envers, où il y avait le chevalier Coire qui portait ses vêtements à l'envers aussi, mais c'était pas un signe de deuil. Là, c'est un signe de deuil. En fait, elle lui explique que. Elle lui explique d'abord qu'avant de lui répondre, elle va l'héberger dans son château et il se dirige vers le château. Elle lui raconte, en fait, l'histoire. Elle aimait un chevalier qui était paré de toutes les qualités, aussi. Vaillant que généreux, un très bon chevalier qui s'appelait Raguidel, qui était le seigneur du château et de ces terres-là. Mais il était haï d'un chevalier perfide et cruel qui s'appelait Gengaswain, et Lingernaut, une fée, avait donné à ce Gengaswain, une armure enchantée qui le rendait invulnérable, en fait. Et le fer de sa lance et de son épée, en plus, était fait d'un tel acier que ni aubert, ni bouclier ne pouvaient leur résister. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est pas seulement que l'arme de la vengeance va permettre de venger Raguidel, c'est parce que c'est une arme enchantée qui est restée plantée dans le fer de la lance est resté planté dans le corps de Raguidel. Voilà. Et c'est pour ça que ce fer de la lance va pouvoir percer son armure, parce que les armes ordinaires n'ont pas d'effet dessus. Alors voilà, du coup. Donc d'où le titre de. La vengeance Raguidel. La vengeance Raguidel. Parce que c'est la forme en ancien français, la vengeance de Raguidel. Voilà. Et elle est blessée, donc il est blessé mortellement, et elle décide de le mettre dans ce navire pour aller demander la vengeance au roi Arthur. Et elle l'envoie à la nef parce que une jeune fille en fait qui était là avec elle, qui était une fée en fait, lui avait prédit qu'il y avait deux chevaliers qui vengeraient son ami. Et du coup, elle avait fait dresser le corps sur le char comme on l'avait trouvé, et avait expliqué par la lettre et par les anneaux exactement que ça serait avec l'aide de celui qui parviendrait à enlever les anneaux que celui qui aurait récupéré la lance pourrait le battre. Et elle a ensuite fait le vœu de ne pas mettre ses chevaliers à l'endroit tant que la vengeance ne serait pas accomplie. Et puis, depuis ces événements, il y a un chevalier du pays qui s'appelle Idair, donc Idair vient en fait de ce pays-là, est allé à Carillon, a retiré les anneaux et les a rapportés. Et lui a appris que Gauvin a réussi à ôter le tronçon de lance, et du coup, il surveille tous les ports et tous les passages pour savoir quand il reviendra pour l'aider à battre Gengaswain. Il est énervé contre Gengaswain parce que, en fait, celui-ci avait refusé de lui donner Greville Wayne, sa fille, en mariage. Mm-hmm. Et Gengaswain... C'est pire que ça, il a affirmé qu'il fallait pour obtenir la main de sa fille, il faudrait le tuer. En fait, parce qu'apparemment, les terres de Gengaswain sont issues en fait, de sa femme. C'est sa femme qui a tout l'argent. Et vu que sa fille n'a ni frère ni sœur, les terres en fait, reviendraient non pas à lui, vu que sa femme est morte, mais à sa fille et donc à l'époux de sa fille. Donc il serait dépossédé, en fait. Et il a fait serment de ne pas la donner en mariage avant d'avoir été tué. Ce qui est contraire à l'ordre des choses, parce que normalement, un père doit marier ses enfants dans l'ordre des choses médiévales. Et puis du coup, il a dit à tous ses barons, celui qui réussit à me tuer, vous lui donnez ma fille. Donc Idair a un chemin assez clair sur ce qu'il doit faire, voilà. Tuer Gengaswain. Et la jeune fille, donc la veuve de Ragidel, apprend à Gauvin que Gengaswain, en plus, a un atout secret, c'est qu'il a un ours dressé, ouais. Qui est redoutable, qui est à son service, donc un peu comme le lion. Il est OP, il a des armes enchantées, il a un familier. C'est ça, l'épée, en fait, c'est une arme de chasseur. la petite blague WoW classique pour les vrais. Voilà. Il se trouve donc sur une éminence pas loin, il attend avec son chevalier, et en fait, l'ours est dressé à n'attaquer les ennemis de son être que si ils combattent à plusieurs contre lui, parce qu'il sait que, en fait, il sera vaincu seulement s'il y a deux chevaliers. Donc s'il y a un seul chevalier qui arrive, il pourra le battre tout seul. Puis l'ours Et l'ours n'a pas besoin de danger. Et puis s'il y a deux chevaliers, comme ça, il a l'ours en plus. Ouais. Assez malin. Donc Gauvin veut aller trouver Gengaswain. Idair de son côté a découvert le navire dans lequel Gauvin est venu. Il suit les traces du cheval de Gauvin, tombe sur la mine Dragidel, révèle qu'elle a trouvé Gauvin, et donc elle l'envoie aussi vers le repère de Gengaswain. Entre-temps, donc du coup, Gauvin a trouvé le méchant. Il l'affronte dans une joute, mais sa lance se brise. Elle peut pas pénétrer le hauberg du chevalier. Ils combattent à l'épée, mais l'épée non plus ne parvient pas à traverser son rhume. Et puis en plus, lui, pendant un temps, il arrive à blesser Gauvin. Et alors Gauvin là se souvient du tronçon de lance, prend. C'est pas trop tôt. Il a tendance à un peu oublier ce tronçon de lance quand même. Et d'un coup, il peut percer Gauvin, il peut percer Gengaswain immédiatement. Et Gengaswain a peur parce qu'il sait qu'il est face à Gauvin maintenant. Donc du coup, il tue traîtreusement le cheval de Gauvin. Le pauvre, je pense que ça doit être Gringalet du coup. Gringalet, logiquement, s'en sort pas malheureusement. Idair qui, en fait, il prend la fuite en fait. Il part vers une hauteur dans son repère. Idair a vu que Gauvin est à pied, se précipite sur Gengaswain qui l'abat d'un coup de lance. Mais du coup, l'ours qui voit deux chevaliers qui attaquent son maître saute sur Idair. Qui le manque, mais il tue le cheval d'Idair, donc les deux sont à pied. Idair parvient à enfoncer son épée dans la gueule de l'ours et le tuer. En se faisant vachement blesser le bras, il se fait à moitié bouffer le bras pendant qu'il l'enfonce vraiment dans le gosier de l'ours et il lui perce vraiment les intestins et compagnie. Mais du coup, il est sur la hauteur du bras, il est vraiment genre là, massacré quoi. Toujours à pied, Gauvin arrive avec son tronçon de lance. Gengaswain, qui comprend un peu qu'il est pas dans une très bonne situation, fait une proposition. Il prendra des âmes pas enchantées et Gauvin. Prendre de nouvelles armes, ils se battront d'égal à égal. Donc Idair va chercher des armes et des chevaux pour les deux. Gauvin accepte alors qu'il dit explicitement si Gengaswain avait été en position de force, il nous aurait jamais proposé ça et c'est stupide d'accéder à cette. Genre il dit explicitement il nous propose ça uniquement parce qu'il a le dessous et pourtant il accepte. Parce qu'il est honorable. Idair donc va chercher des armes pour Gengaswain au château de Gengaswain. Gauvin se rend ensuite au château de la mine Dragidel qui lui équipe d'un nouveau cheval et d'une nouvelle armure. Et Idair, lui, prend sa propre épée. Oui, parce qu'il est, en fait, pour maintenir l'équilibre, Idair va chercher les armes de Gengaswain et Gengaswain accompagne Gauvin, en fait. Mm-hmm. Idair arrive avec sa propre épée et Gengaswain lui donne les armes à Gengaswain. La bataille a lieu, ils se désarçonnent mutuellement, ils échangent de violents coups d'épée, mais Gengaswain finit par voir le dessous, il est abattu à terre. Gauvin lui demande de demander grâce à l'ami de Ragidel, mais il refuse, et donc il lui tranche la tête. Ragidel est donc vengé et son ami peut abandonner le deuil et mettre ses vêtements à l'endroit. Et alors là, il y a 30 vavasseurs très beaux et d'un âge vénérable, avec des belles barbes et tout ça, qui arrivent avec Greville Wayne, la fille de Gengaswain, qui est coiffée d'une très belle couronne. Il confie la jeune fille à Gauvin, puisqu'il a tué son père, donc il peut l'épouser. Il peut faire ce qu'elle veut, il peut faire ce qu'il veut d'elle, hein. Il n'est pas obligé de l'épouser. Alors il y a Ider bien sûr qui l'aime, et puis elle, elle aime Ider aussi, donc ils veulent être ensemble. Mais Gauvin dit bah, je peux pas vous la... si je la marie comme ça, ça va être une... on va me reprocher de l'avoir mariée, d'avoir fait quelqu'un, voilà, sans d'avoir fait une mésalliance et puis d'avoir fait quelque chose. Parce que ses barons vont lui reprocher ça, donc ses barons lui reprocher. Des thèmes qu'on avait vus chez, par exemple, dans Geoffrey, en fait, c'est un peu l'idée du mariage de Geoffrey, puis des thèmes assez voisins se retrouvent dans le conte du Graal aussi. Donc finalement, il demande le conseil des Vavasseurs, qui confirme que ils accepteront Ider comme époux de leur dame. Ils n'ont pas de meilleur candidat. Et du coup, ils sont tous accueillis chez l'ami Draguidel, où ils passent la nuit. Alors, on pourrait penser que l'ami Draguidel trouverait consolation auprès de Gauvin ou quelque chose du genre, mais non. Gauvin ne finit pas, sur le plan amoureux, ne finit pas de très bonne façon ce roman. Ouais, mais je pense que ça illustre aussi la trahison d'Idin et tout ça. Oui, ça c'est le thème. Généralement, Gauvin n'a pas vraiment de relation sur le long terme. Mais je pense que le passage où Gauvin refuse, justement, parce qu'il y a l'ami, il y a la fille d'un garçon qui dit « Assurément, si vous y consentiez, je voudrais épouser Ider car je l'aime et je n'aimerais aucun chevalier autant que lui. Vous-même à qui j'appartiens, vous ne me plaisez pas autant que lui. » Donc elle dit « Vous m'avez gagné en combat singulier contre Gengaswan, mais je vous aime pas. » J'espère que ça vous contrarie pas, car je suis tout à fait son ami et lui le mien, au point qu'un cœur ne pourrait s'interposer entre les nôtres, tant ils sont sincères. » Puis Gauvin lui répondait « Jeune fille, jeune dame, vous vous exprimez bien, mais votre désir ne comptait pour rien si vos amis le déconseillaient. Vous êtes une femme, et si je vous donnais mon consentement, peut-être me reprocherait-il de vous avoir mésallié pour obéir à votre volonté. » Donc il y avait le côté vraiment « Vous êtes une éternelle mineure, vous êtes... » Littéralement, il lui dit « Je vois bien que vous êtes amoureux et tout ça. » Puis heureusement, les Vavasseurs acceptent, mais je pense que c'est aussi une manière de revenir... Disons, l'arrangement que Gengaswan avait recommandé était anormal, c'est-à-dire « Il faut me tuer pour obtenir ma fille. » Et le fait de repasser par le conseil des barons, c'est une manière de revenir un mariage normal, en fait. L'idée, on est revenu de cette espèce de générosité de la noblesse, c'est un thème assez proche de ce qu'on avait vu dans le... Je vous ai mentionné brièvement que Raoul de Houdin préférait, qui est issu d'une famille, si c'est bien celui qu'on connaît, de la petite noblesse, ou en tout cas de la chevalerie désargentée, préfère effectivement que l'autorité vienne dans la noblesse plutôt que dans des bourgeois avares, que la noblesse généreuse mais pauvre vaut mieux que la bourgeoisie avare. Là, on a de nouveau une déférence à l'autorité établie, aux nobles du voisinage, et une légitimité qu'ils ont que la femme ne peut pas avoir, inévitablement. C'est un exercice qu'on retrouve. Plus misogyne que ce qu'il y a dans le Mérogis, d'ailleurs. Ouais, Mérogis, c'est pas vraiment. Disons, Mérogis a des femmes un peu moins maltraitées et un peu plus actives, mais là, on est beaucoup plus. Moins traîtreuses aussi. Traîtresse, parce que là, on avait la dame de Les Trois, outre la outre la Iden, bien sûr, on a la dame de... La dame de Golosware, qui est la grande méchante. Non, on a quelque chose de beaucoup plus d'animosité. Même ce rôle de la dame de Golosware, dans ce rôle d'antagoniste, est aussi assez rare, en fait, dans la légende arthurienne, d'avoir des femmes qui règnent directement et qui sont antagonistes directement, ou qui règnent directement comme Lidwan dans le Mérogis. C'est quelque chose de relativement pas si courant que ça, en fait. Donc c'est aussi intéressant. Même Blanchefleur, chez Chrétien, n'a pas d'autorité autant que c'est... Enfin, n'a pas... C'est précisément un problème, en général, en fait. Elles attendent un chevalier qui va les épouser, quoi. Du coup, ça fait un peu bizarre d'avoir justement cette espèce de finale sur l'éternelle minorité de la femme au Moyen-Âge. Mais peut-être qu'on peut comprendre ça par une évolution de la position, soit de l'un à l'autre, soit vers le moins modernement progressiste, soit vers justement une reconnaissance que finalement, non, les femmes peuvent avoir un rôle. Ou peut-être justement, comme c'est une œuvre qui dérive beaucoup, il reprend finalement beaucoup des clichés. C'est une œuvre qui reprend beaucoup d'ailleurs, donc peut-être qu'il reprend beaucoup des clichés qu'il a effectivement, c'est aussi des clichés littéraires assez courants, quoi. Comme on l'a dit, hein. C'est vraiment, vous avez vu, une œuvre très composite. Il y a des œuvres de toute la première partie de ce qu'on a vu, donc la fin du 12e et le début du 13e siècle. Il y a pas mal d'éléments, à la fois chez Chrétien, dans les continuations et dans d'autres récits, comme effectivement le chevalier à l'épée, pardon, et puis le court-mantel, quoi. Je pense noter justement aussi que Ider, qui est ce vieux personnage, il y a un roman du roi Ider qui le rend héros, je crois que Gauvin intervient aussi, dont vous parlera probablement l'année prochaine, qui est aussi assez intéressant. Puis des liens de Ider, on va peut-être pas faire les pastoureaux, mais avec l'ours justement, et puis c'est une feature peut-être de son histoire de base. Mais je voudrais quand même remarquer que c'est assez ironique que Ider est censé aider Gauvin, mais il l'aide pour une circonstance qui littéralement n'existerait pas s'il n'était pas venu. Genre, il l'aide à tuer l'ours, mais on nous dit oui, mais s'il n'était pas venu, l'ours ne se serait pas dérangé, en fait. Ouais, c'est un peu curieux, effectivement. La racine. Après, le nom Ider ou Edern, Edern apparaît dans Color Réolwen, il fait partie des chevaliers d'Arthur, et le nom, ce serait plutôt. Semblerait issu d'un nom qui veut dire éternel, plutôt course. Donc je sais pas si l'étymologie de pastoureau. Non, je dis pas que son nom est lié à l'ours, mais qu'il y a un ours qui apparaît dans d'autres histoires en lien avec lui, je crois. Il apparaît aussi dans Geraint et Erbin, parce que forcément, il est. il est calqué plus ou moins visiblement sur tu dis qu'il apparaissait dans Eric et Enid. Il est aussi mentionné effectivement dans c'est un vieux chevalier parce qu'il est mentionné aussi dans l'Historia Regum Britanniae en fait. C'est-à-dire, il apparaît comme Iderus Filius Nut, c'est le fils de Nut en fait. Le fils de Nut, c'est un peu comme Ider dans le roman de Brut, c'est le Ider fils Nut avec le même. Il y a son Ider fils de, puis il a le même avec le Nut. Pardon, on est vraiment très. Et effectivement, il aide sur l'archevolte de Modène. Qui date tout début du XIIe siècle, donc c'est un personnage effectivement, comme tu le dis, très ancien. Il fait partie un peu comme Bédiver, Bédoyer, il fait partie de cette première couche de chevalier, puis il devient une espèce de reliquat qu'on retrouve dans un ou deux rôles, bah là justement, qui dans Erech, comme une trace à la fin de La Vengeance Ragidel, mais qui a un peu perdu son statut de premier plan, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu vraiment un rôle assez mineur, finalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est... Il est fils de Nud dans la mythologie, enfin dans les versions, disons, mythologie arthurienne celte, donc la Colur Réolwen. Et Nud, c'est visiblement une figure qui est aussi connue comme Hlud Hlaherengt, Lud de la main d'argent, qui est un héros légendaire qui apparaît dans le Mabinogion, qui est peut-être inspiré par Geoffrey Monmouth, mais d'un côté qui sonne aussi effectivement beaucoup comme le roi irlandais Noada Airgetlam, je ne sais pas si je prononce ça tout à fait correct, qui est une figure, qui est le premier roi des Tuatha de Danann, et qui est peut-être lié au roi Nodens, au dieu Nodens, pardon, qui est une divinité celte plus ancienne, qui a été associée notamment avec Mars, Neptune. Donc c'est possible qu'il y ait une figure... ce soit vraiment un personnage celtisant... ultra ancien, qu'on ne retrouve pourtant absolument pas dans le... Non, c'est une figure très ancienne, mais justement, on voit que les chevaliers qui deviennent vraiment à succès à cette époque-là, Perceval, Lancelot, etc., c'est tous des créations relativement récentes. Bah, Gauvin, pas tellement, parce Gauvin, que Gawain... Gauvin, c'est un peu l'exception, justement, dans les romans qu'on voit là, où il est la continuation de ça, mais justement, les personnages comme Bédiver ou Ider, qui sont attestés de très très vieux avant même les romans français, bah, ils passent vraiment au second plan, mais ils restent, on se rappelle encore d'eux, puis on essaie de les insérer un peu aux chausse-pieds, comme là, à la fin du roman. Tout à fait, bah, la fin du roman, d'ailleurs, qu'on n'a pas mentionné, mais c'est vraiment très très vite. Gauvin, en fait, s'absente très vite en leur faisant promettre de le retrouver dans une semaine à la cour d'Arthur pour témoigner du fait qu'il a accompli la vengeance. Il dit, on va vous accompagner pour prouver que vous avez accompli la vengeance et pour pouvoir témoigner que vous avez pas, vous rentrez pas les mains vides. Et il dit, mais je vais pas vous faire chevaucher maintenant après tout ça, je peux pas vous faire ça. Et puis ils décident quand même de venir l'accompagner plus ou moins. Ouais, ils vont vraiment chevaucher à main armée à grande vitesse parce que. Pendant que lui, en chevauchant, il a plein d'aventures, eux, ils arrivent à le rejoindre exactement le même jour où il arrive à la cour d'Arthur, même s'il a pris un peu d'avance. Et du coup, ils peuvent témoigner que Ragidel a bien été vengé, tous ensemble, et que Gauvin est le héros de l'affaire. Voilà pour la vengeance Ragidel, donc des thèmes assez, on l'a vu, parfois assez opposés à ceux de Merogis, donc ce qui peut-être fait penser à une œuvre d'une époque différente dans la vie de Raoul de Houdin, si c'est toutefois bien lui qui a composé l'œuvre. En tout cas, pour Micha, par exemple, ça faisait un doute. Pour Roussineau, dans son édition critique, c'est clair que c'est le consensus et que c'est à peu près certain, même si le style est un peu différent, c'est pas une excuse suffisante. Je veux dire, le style de Chrétien évolue assez entre Erech et Enid et Perceval, sans parler de Cligès, qui est très différent, par exemple. Il y a pas mal de ressemblances dans l'usage des mots, notamment, même si on retrouve pas tous les artifices un peu narratifs qu'il y a dans le Merogis. Typiquement, il n'y a pas toute cette interrogation constante. Non, c'est-à-dire que Merogis, il avait plus justement ce dialogue un peu, ces dialogues fictifs ou théoriques, où il dialogue avec Dieu ou avec le narrateur ou avec le lecteur. La vengeance régale, ce qui revient vraiment, c'est des personnages qui se mettent à raconter des histoires, en fait. On a le chevalier noir qui raconte son histoire avec la dame de Gondessey, qui elle-même va raconter son histoire à Gauvin. On a la dame, l'ami de Ragidel, qui va raconter l'histoire. On a beaucoup plus des interruptions et des aventures un peu presque séparées qui sont racontées dans le récit. Puis même à la fin, on apprend que, en fait, Ider va tuer Gengaswain. Donc on a toutes ces espèces de flashbacks qui nous expliquent le contexte de ces aventures. C'est une œuvre qui est à la fois beaucoup plus dérivative et puis aussi beaucoup plus... on a beaucoup plus de discours enchâssés, où vous avez quelqu'un qui s'arrête pour raconter une histoire. C'est en tout cas une œuvre assez intéressante. Je pense que, effectivement, ce statut de compilation, la dessert, de manque d'originalité, la dessert un petit peu. Mais d'un autre côté, ça en fait, je pense, une bonne introduction pour une lecture de base, parce que ça vous montre plein de motifs que vous allez retrouver après. C'est un bon échantillon, on va dire, de ce type de littérature. Vous avez Gauvin, vous avez Queux, vous avez quand même des personnages assez récurrents. Et puis vous avez aussi ces personnages un peu moins fréquents. C'est des motifs qu'on retrouve tout le temps dans les romans arthuriens. Hein, le personnage qui en apparaît qu'une fois à l'occasion et qui n'est vraiment pas spécialement... qui n'est pas nécessairement très... très connu ou qui va pas réintervenir. Par exemple, bah, Madhuk, le nom est réutilisé, mais c'est pas vraiment un personnage qui va avoir vraiment une grande postérité, disons-le. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ces deux lectures. Enfin, je les ai lues pour l'occasion. J'ai beaucoup apprécié en termes purement de littéraire. J'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dedans. Je sais pas si c'était un préféré entre les deux. Je pense que je penche quand même du côté de Mérogis. Ah, ouais. Ouais. Plus d'originalité. Plus... Mérogis, ça ferait un très bon film d'action avec Jean Dujardin. Mais, moi, ce que je trouve rigolo, c'est, avec les récits qu'on lit ces derniers temps, c'est que les deux, je trouve, feraient des bons opéras, en fait. ça s'adapte assez bien. Il y a un nombre de personnages assez restreint. Des motifs récurrents, typiquement, vous pourriez avoir des rôles joués par les mêmes personnages. Typiquement, vous pourriez avoir Ider, le rôle de Madhuk qui pourrait être joué par le rôle d'Ider, et puis la dame de. Les différentes dames pour avoir les mêmes personnes qui jouaient leur rôle, en fait. Simplement, voilà, il y a un côté vraiment très opératique, je trouve, dans la structure de Mérogis avec les révélations, les je suis moi, mais il n'est pas lui, je suis, mon identité est dissimulée, la carole enchantée. Ça s'y prêterait assez bien, je trouve. Ouais. On est bien quelqu'un qui a écrit un opéra sur Gauvin et le Chevalier Vert. Je pense qu'une opérette basée sur Mérogis de Port-Légué, ça aurait du charme quand même. Du coup, si ce genre de choses vous intéresse, on vous renvoie à notre épisode sur La Mule sans frein et Le Chevalier à l'épée, deux autres aventures de Gauvin qui sont un peu dans ce même genre, des aventures isolées et courtes. On en verra encore d'autres probablement l'année prochaine. L'âtre périlleux, un beau, Gliglois peut-être un peu plus tard. Ce genre de roman-là. Le roman du roi Ider, peut-être. Justement. Le roman du roi Ider, Fergus, peut-être. On verra un peu encore. Les merveilles de Rigomère. Les merveilles de Rigomère, bien sûr. On aura de quoi faire. D'ici là, Laïs, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Je crois quel est notre morceau final cette année? Notre morceau final cette année, ça va être un cycle ou un pseudo-cycle qui fait suite au Lancelot Graal qu'on appelle la Vulgate. Donc malheureusement, on parle de moins en moins de la Vulgate pour le Lancelot Graal, mais on appelle toujours ce cycle-là la post-Vulgate. C'est une espèce de réécriture. Quelqu'un a vu le cycle du Lancelot Graal et s'est dit c'est un petit peu trop long et j'aime pas tant Lancelot que ça. Donc ils ont essayé de créer une œuvre un peu synthétique qui remplacerait ça, qui la reprend dans les grandes lignes, typiquement la quête et la mort Arthur. Mais on va commencer par la suite du roman de Merlin, qu'on appelle généralement la suite post-Vulgate, ou la suite Ut, ou la suite romanesque, qui, contrairement à la suite Vulgate, qui était vraiment juste une grande série de batailles pas si intéressante que ça, la suite du roman de Merlin, elle, est vraiment très très romanesque et fantastique et merveilleuse, et beaucoup de motifs très importants pour la suite vont se retrouver là. Faut préciser peut-être, avant que vous vous inquiétez pour notre santé mentale et vous imaginez qu'on va lire un cycle aussi long que le Lancelot, faut préciser que la post-Vulgate, en fait, coupe beaucoup et simplifie, et qu'en fait, les seuls nouveaux éléments qu'on va lire, c'est vraiment cette suite-là, et les versions ultérieures de la caisse et de la mort du roi Arthur, parce que c'est vraiment les principales versions qui sont différentes, en fait. Voilà, qui changent de trois trucs, puis comme on l'a dit dans notre épisode sur le Tristan en prose, il y a des bouts qu'on retrouve en commun avec le Tristan en prose, donc on connaîtra déjà, on n'est pas sûr duquel des deux cycles l'a introduit en premier, mais... Surtout, il n'y a pas de Lancelot, donc c'est ça simplifie grandement les choses, quand même. Ce sera un petit peu plus court. Si vous voulez lire avec nous, on commencera donc par la suite du roman de Merlin. D'ici là, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre. À vous annoncer aussi que le 15 octobre, donc dans deux semaines à peu près, on va avoir un petit épisode spécial, en fait. On va accueillir, en fait, sur Radio Kawa, en fait. On va accueillir l'équipe du podcast arthurien anglophone, donc ce sera en anglais, Arthurian Mythia. Donc on parlera avec eux, je crois que le programme pour l'instant ce sera... De parler du rôle un peu de la France, de la place de la France dans la légende arthurienne, puis je pense qu'on parlera de comment eux ils le perçoivent, comment nous on le perçoit, parce que forcément... Pour des francophones comme nous, bah, c'est la France qui a inventé... France. Pour beaucoup, en fait, c'est la France qui a inventé, c'est le français, en fait, c'est du français que vient la légende arthurienne, et c'est vrai que c'est en français qu'elle a pris sa forme la plus populaire et qu'on la connaît le plus, mais c'est un rôle un peu particulier qu'elle a joué, que le français en tout cas a joué, parce que parler que de France, c'est peut-être se limiter un peu dans une époque plantagénée assez productive. On parle beaucoup de l'Empire Plantagenet ces temps-ci, donc ce sera l'occasion de parler de ça. Arthur Mitéa, c'est un podcast de deux animateurs, Dame Leslie et puis Sœur, je ne sais plus comment c'est son pseudo, qui est représenté par un pingouin, qui parlent, ils sont beaucoup plus modernes, c'est-à-dire qu'ils se concentrent beaucoup plus sur des adaptations récentes, des films, des séries télé arthuriennes, plutôt que... Va savoir pourquoi ils parlent de ça, plutôt que de textes médiévaux incompréhensibles. Si jamais vous voulez en savoir plus un peu sur eux et écouter avant qu'on les reçoive, vous pouvez les découvrir sur leur site, c'est arthurianmythia.com. www.libsyn.com. On vous enverra un lien évidemment vers notre vers leur site depuis notre page d'épisode. Et d'ici là, on recevra Dame Leslie et Sir Blackwood. Sir Blackwood sur Radio Kawa le mardi 15 octobre à 9h du soir. Dès 9h. Heure française. Parce qu'ils sont basés aux États-Unis ou ils sont basés en Angleterre? Ils sont basés dans les Amériques. Dans les Amériques. Donc on les recevra tard pour nous, tôt pour eux. Et d'ici là, on vous souhaite un très bon début de mois d'octobre. On vous retrouve donc le 15 octobre. Et plus tard pour découvrir la post-vulgate. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue. J'ai tué ton père. Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur RadioKawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs. Super sympa. Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite. Et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité. Et c'est un vendredi soir sur deux dès 21h sur RadioKawa. C'est complètement nawak. Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père. Il est quelle heure ? Radio Kawa.